a safe face. Ladies and gentlemen, Coed! Number one! Go Coed! Go Coed! Go Coed! Go Coed! Go Coed! Go Coed! Go Coed! Let's go, let's go! Who's it playing? Bien, nous avons décidé de faire une émission de rentrée. Vous allez me dire, oui, vous êtes rentré la semaine dernière. C'est pas faux. Mais quand même, on fait une émission de rentrée où nous avons tous suivi, parce que l'année dernière, la semaine dernière, on a fait notre rentrée, mais nous n'avions pas reçu les tenues réglementaires d'énergie de cette année. Voilà. Et la vraie rentrée scolaire, pour le coup, démarre vraiment aujourd'hui. La semaine dernière, c'est pour avoir le planning, l'agenda, machin. Là, ça y est, c'est le boulot. Là, on travaille vraiment, quoi. Là, ça y est, là, je sais que ce week-end, il y en a certainement qui ont recouvert tous leurs cahiers. Oui, c'est ça. Tous leurs livres, et comme vous savez pas le faire, vous avez demandé à vos parents de le faire, parce que c'est eux qui se sont tapés tout le week-end. Il y a des trucs tout faits maintenant. Votre mère, elle en peut plus de replier les trucs en mettant l'étiquette et tout, etc. Je suis sûr que vous l'avez fait. Et on a vu ça sur Facebook, parce que toutes les mamans mettent les livres recouverts sur Facebook. Tu suis tout maintenant sur Facebook. Ouais, c'est tellement passionnant. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que c'est vrai, hein, des fois, les gens, ils mettent des trucs sur Facebook, ils se disent pas avant, est-ce que ça va intéresser les autres? Non, c'est après, la photo des enfants avec les cartables qui partent à l'école. Oui, là, là. Ah, et après, tu comprends pas, j'ai pas eu le like de machin. Moi, je mets jamais de like. Bon. Mais tellement pas. On n'est même pas mis sur Facebook, donc. T'as pas mis ton fils partant à l'école? Ah si, je l'ai mis, justement. Non, le cliché. C'est pour ça qu'on n'est pas abonné à toi, c'est parce qu'on veut pas voir ces photos. C'est insupportable, ces photos-là. Si t'as liké. Bon, j'ai. Oh ouais. Allez. Oh là là. C'est parce qu'il y avait une de la vive derrière sur la photo. Non. Ah regarde. T'as liké, mec. Il est là, il se la joue bonhomme. C'est il a vu passer. Je m'en fous de tes photos, et en fait, oh tu es trop mignon, le petit Gaspard sur le chemin de l'école. J'ai pas vu passer celle-là, donc. Ou alors c'est pas moi, c'est un autre piètre. Attends, je recherche. Ah, c'est pas toi, il y a d'autres piètres. Moi, tu peux. Moi, te fais pas, je t'ai vérifié, j'ai pas liké. Hein. Je te le dis tout de suite. Bon, non, j'espère que l'équipe a passé un bon week-end. C'est bien ce week-end, Julie, qu'est-ce qu'il y a? Tu passes l'appel. Loris a liké. Ouais, mais Loris, il est gay. Il tient son boulot, lui. Loris, tu mettrais Gaspard qui fait caca, Gaspard qui mange, Gaspard qui est pas sur la photo. J'avoue, il est fan de mon fils. Non, puis il tient son poste. Bon, oui, super week-end. C'est vrai. Bien, Pietre. M'en souviens plus. Bienvenue, nouvelle semaine. Ah, mais tu as fait la fête. Comme d'habitude. Ouais, c'est vrai. Oui. Comme d'habitude. Guéguette, ce week-end. Bien, j'ai fait du karting. C'est génial. Ah, mortel, ça. Ouais, c'est bien. Cool. C'est marrant le karting. Cette semaine avec nous, il y aura Zao. Ah, c'est pas Zao, c'est Claudio Capéo. Alors, mais il sera là aussi. Alors, hein. Où elle s'est laissée pousser la barbe. Et elle a décidé d'arrêter de se laver. Surtout que Zao, c'est la semaine prochaine. Mais bon. Non, j'ai marqué le 7. Non, c'est la semaine prochaine, Zao. Ah, ouais, mais alors si vous décalez tout. Ah oui, mais on a décalé parce que. Ah, ouais, mais vous me saoulez là. Je suis pas prêt, moi. Je change des trucs à des mois. Tu veux que je te fasse le planning? C'est un barbu qui remplace. Cette semaine, il est toujours là, Soprano. Bien sûr, vendredi soir. La semaine prochaine, vous allez être content. Le retour de Maître Gims. Jamais. Il sera notre invité, Maître Gims. Il y a Kinvey qui vient aussi nous voir. Oui. Vous allez avoir des semaines de ouf. Et aujourd'hui, c'est DJ Assad avec mon mix. Si tu sens ton bi, je te lève. Mon bi sera à notre invité aussi. La réalisation va bien cette semaine? Ça va très T'as bien. T'as eu la notice de la console de mixage? Oui. Tu l'as reçue? En fait, je croyais que c'était en chinois, mais en fait, c'était en arabe. Il y a une version, il y a toutes les langues, mais il faut prendre la version française. Voilà, c'est mieux. C'est comme quand t'achètes des enceintes Bose. La dernière fois, j'ai acheté une petite enceinte Bose. Ouais. Je te jure. Ah ben, elle est en dehors du fait qu'elle est super. J'ai mis un temps fou à trouver la version tellement elle est dans toutes les langues. Ouais. Ah ouais, oui. Le truc. Il faut mettre plein de petits livrets et tout. Finalement, ça m'a saoulé, j'ai appuyé dessus, puis ça m'a parlé tout seul, et puis ça a marché très bien. Ça va le standard? Impec. Ils sont beaux. Non, Elle est coquine, Marc Dorcel. Ouais. Une écolière sexy là. On dirait la maîtresse. Tiens, prends la règle. Viens, la taille de cette jupe. Donne-moi la règle. Mais pendant qu'on va, parce que les filles sont en tenue. C'est toi qui me parles de Marc Dorcel. On a ressorti des photos de toute l'équipe jeune. Ouais. Julie. Oui, ben. Tu as quel âge sur cette photo sur le canapé? Tu fais la pin-up en mode je suis pin-up mais j'ai 7 ans. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Bon, ça va, je vais bien poser quand j'ai dit. Ça va? Je relève les fesses. Mais moi, mais je te Oh, je pose, il n'y a pas de truc sexuel là-dedans, en passage là. Qu'est-ce que t'es. Hey, bonne! Mais t'es bien comme ça avec la jupette et toi. Attends, je fais une photo. Elle est trop belle. Les gens, ils vont pas te croire. Regarde-la. Fais le duck face direct. touche toi les seins. Oh là là. À partir du moment où on a... L'émission de ce soir, dès qu'on a un mauvais auditeur ou un truc qui se passe mal, j'irai au standard, je dirais mets-toi en position. Fais un boomerang. Non, c'est moi qui fais mes propres. C'est moi qui fais mes propres. Tu vas être censuré. Ah oui, c'est un boomerang. C'est censuré les boomerangs. Non. Oh, on sait jamais maintenant parce que tant que la règle reste sur les fesses, ça va. Attention. Ah oui, mais je n'arrive pas à... Ah merde. Non, Lolo, il est derrière toi. T'as passé de recul. Lolo, t'es prêt? À go, hein. 3, 2, 1, go. Oh non. Tu l'as ou pas? C'est drôle. Tu l'as ou pas? Oui. En boomerang, c'est joli parce que ça fait que des claques sur les fesses. Donc dès qu'on aura un mauvais auditeur, claque sur les fesses. On commence par Corentin. Corentin qui est le mec le plus triste de ce début de soirée. On ne commence pas que par la rigolade. Il arrive aussi des drames, il arrive des choses qui vous bloquent la vie. Ouais. Ça va Corentin? Ça va et toi Koué? Ouais, qu'est-ce qui se passe Corentin? Ah t'es chafouin, hein. Oh t'es pas bien là, hein. Un peu triste et surtout énervé on va dire. Parce que j'avais mon train avec des amis. On avait notre train cet après-midi pour venir ce soir et vous voir directement dans le public. Et on s'est retrouvé, c'est que au niveau de la correspondance, eux, leur train pour revenir jusque Lan, parce que tu connais Lan. Ah bah Lan, oui, dans l'Aisne. Voilà, les trains sont lents, il y a un train tous les 9 jours. Et leur train, en fait, leur correspondance est arrivé une demi-heure en retard. Eh bien, mais t'es pas vrai. Fait, à Lan, ils n'ont pas voulu, enfin, ils n'ont même pas attendu, d'habitude, ils attendent, ils n'ont pas attendu. Et résultat, bah, il n'y avait plus de train pour venir vous voir. Et il est vénère, parce qu'en plus, il a payé 40 euros, je crois, c'est Corentin, ça Tu veux que Julie te rembourse? Qu'est-ce que Julie? 40 euros l'aller-retour et ça fait un peu mal quoi. Bah, je repose ma question. Tu veux que Julie te rembourse? Comment? Dis oui. Et il entend rien. Tu veux que Julie te rembourse? Non, ça ira, je vais pas. Putain, là, tu viens de lui faire la plus bon moment de sa journée là. Tu viens de lui dire non, ça ira. Oh, merci. Je te fais un bisou, Corentin. Tu viendras nous revoir, mon pote, hein, d'accord? Allez, je compte sur toi. T'es et merci quand tu veux avec tes copains. Et évidemment, merci. Encore une fois. Dans un instant, il y aura des mails. Il y a plein de gens. Il y aura Eva qui nous envoie des mails à coetenergie.com. Donc, c'est la semaine prochaine qui sera avec nous. Oui. Il y a que des rostas qui vont venir entre Soprano, Gims et Zao sur Énergie. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. Oh. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Ne t'es rivalisé, c'est chaud. Laisse-les parler, demain on aura zappé. Tu parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'y tonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps. Je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Les oreilles qui sifflent. premier sur les réseaux sociaux, premier sur YouTube et premier à la cantine. Ah non, c'est vrai, oui, il fait régime. Ah, c'est pas bon pour le classement, ça. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Ça, c'est 0870 42 48 sur Twitter, hashtag Koé saison 7. Faites tourner tout à l'heure, ce sera donc DJ Assad qui sera là. Fais tourner, fais tourner. On a des photos de nous qui défilent sur les écrans de nous, gamins, mais c'est à mourir de rire. Il y a des têtes, il y a Loris qui n'a pas changé. Normal, il y a encore 9 ans. Il a vu l'année dernière. Je voudrais qu'on souhaite un bon anniversaire à Igor et Grishka Bogdanov. Vous savez l'âge des Bogdanov? Ah, ils ont au moins, ils doivent avoir pas loin de 55, je dirais. 50, c'est 55. Plus. Ils ont 67 ans, mec. Non! Igor et Grishka Bogdanov, 67 ans. Mais ils font pas du tout 67 ans. En même temps, ils sont tellement refaits. Ouais. Excuse-moi. Ils sont pas refaits. Ils ont été enlevés par des extraterrestres. Et ils sont en forme de pyramide de Khéops. Ça n'a rien à voir. Ne m'y piégez, ils ont fait combien de lifting? 67 ans. On dirait pas. Et ils donnent jamais leur âge, hein, parce que là maintenant ça s'est su, mais ouais. Non, mais il y a une technique, hein, c'est comme les arbres. Ouais. Tu coupes le menton et tu regardes le nombre de cercles. et tous les 10 ans, tu comptes un truc et t'arrives à ça. Bon, bienvenue chez nous en tout cas. Donc rentrée scolaire aujourd'hui, on aura plein de trucs sur l'école, on aura des auditeurs. Que ça, oui. Je vais essayer de coller tout le monde. Il y aura un jeu du public, voir si vous êtes prêts pour cette rentrée aussi. Si vous êtes, si votre cerveau vous l'avez pas laissé en vacances sur la plage, on s'occupera de tout ça tout à l'heure. C'est une semaine de ouf qui arrive dans les jours qui viennent, de Maître Gims à Kinvé en passant par son. Car moi ce soir je suis en feu, Il nous fera les deux ou pas? Oui, je pense, bien sûr. J'adore ça. Est-ce que Eva, toi t'es en feu? T'es en feu? T'es en feu? Eva? Oui. Est-ce que t'es en feu? T'es en feu? T'es en feu? Moi, je suis en feu. Et nous aussi, on est en feu. On est en feu. On est en feu. Bon, bonne rentrée, ma chérie. C'était quoi, toi, aujourd'hui? Tu rentres en quoi? T'es en quoi? T'as quel âge, déjà? Moi, j'ai 16 ans et je suis rentrée aujourd'hui en seconde. Ouais, 16 ans en seconde, c'est normal. On y est peut-être une petite année de retard. Ouais, j'ai l'impression. Tu rentres à 16 ans en seconde. Tu rentres à 15, je crois. Ah ouais? Moi, j'avais 14 ans. C'est début ou fin d'année. T'as redoublé une fois ou pas? Une fois, oui. Ah, tu vois, Je sais parce que je suis prof également le week-end. Ah oui, je fais plusieurs choses, one man, machin et tout, et prof le week-end, mais peu d'élèves le week-end, je suis tranquille. Ouais, j'imagine. C'est ça qui est bien. Attends, dis pas ça parce que tout à l'heure, tu vas peut-être faire le prof avec nous. Oh, ça m'exciterait. Ouais. À ce point-là. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Ouais, malsain. J'ai ma règle. Stouff fera le jeu avec nous. J'ai ma règle, je veux te reclaquer les fesses. Attention, n'y voyez pas là, évidemment. C'est une punition. C'est une petite punition de rigolade. Oui, voilà. Ça pour la direction d'énergie, qui est crispée en ce moment sur le moindre gag. Donc ceci est un gag. Oui. Tant que tu ne vas pas te masturber chez Castorama. Non. Et Stouff est d'accord pour le coup, Stéphanie. Non, ceci est totalement un gag, bien sûr, qui ne va pas à l'encontre de la condition féminine. Pas du tout. Bien sûr, évidemment. Je tiens à préciser. Elle aime ça. Maintenant, chaque blague, je pense, on va devoir la justifier. Attention, ceci est une blague. Voilà. Donc, tiens. Donc, ma petite Eva, tu nous as envoyé un mail. Tu me dis comment ça va. Je vous écris juste pour vous raconter ma rentrée de merde. J'ai pris un avertissement aujourd'hui. Tu crois? Bon, j'ai pas assuré, je me suis endormi en cours. Oui, à la première. Ah oui, première. Ah ouais. T'as eu 2 mois pour te reposer quand même. Tiens. 2 mois, c'est pas assez. Non, mais premier jour. 2 mois, c'est pas assez. Premier jour, avertissement. Oui. C'est pas mal ça. Belle perf. Mais comment? J'ai pas fait exprès, je me suis endormi. Mais t'as fait quoi hier soir? Tu t'es couché tard? Bah, j'ai pas réussi à dormir. Du coup, j'ai pas dormi de la nuit et rentrer à 8h30, C'est sévère un avertissement. Pour avoir dormi en cours, des heures de colle. Ouais. Tu prends un mot, une heure de colle, pas un avertissement. C'est quoi un avertissement comme ça, oral ou un truc signé et tout machin? Un truc signé et tout. Mais c'est quoi ton bahut? C'est une prison? C'est un 4-as? Un petit peu. Je connais pas encore, mais je pense que je préférerais dormir à la nuit plutôt que sur la table. Ah ouais, c'est mieux. Ah là, t'oublies ton cahier, ils ont le droit de te tirer par les cheveux, t'arracher une touffe. Bien sûr. D'un coup de taser. Moi d'ailleurs, j'ai souvent oublié mes cahiers, regardez, j'ai plus de cheveux. Ah bah c'est chaque fois enlevé. Ils ont enlevé, résultat. Non, mais c'est pas. En même temps, c'est un premier jour aussi, c'est abusé. On ne dort pas à la première. Ah ouais, c'est parce qu'au bout d'une semaine, tu viens avec ton duvet quechua. On parle pas trop fort, elle s'est rendormie. Oui, c'est ça. C'est parce qu'elle a une dure journée. Je vous écoute. Mais oui, non, mais. C'est pas comme si j'avais fait exprès, je veux dire que je me suis endormie Si j'avais pu, je me serais retenue, mais bon. Moi, j'ai comme l'impression qu'il faudrait te faire une petite cure de vitamine C. Ouais, t'as pas l'air au taquet. Même là, hein, t'as pas l'air au max. Hein. Ça donne un peu l'impression que je vais m'endormir régulièrement. Non, mais c'est juste que j'ai pas eu assez de vacances, c'est tout. Non, parce que quoi, T'as pas eu assez de vacances, 2 mois, c'est pas assez. T'as pas eu assez. Bah non, avec tous les cours et tout, c'est pas assez. Oh là là, mais toi, t'es pas arrivé. Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Bah, fais un dormir, truc, fais vacancière, fais un truc. Non, mais parce que oui, c'est que quand même, t'as eu beaucoup de vacances quand même. Bof. Si. T'as fini quand? Bon. Fin juin, début juin, mi-juin? Non, fin juin. Fin juin? Bon. Je t'engagerai pas à la bourse ou un truc comme ça. Non, ou, non, elle travaillera à la poste. T'as vendu? Je sais pas, je dormais. La poste, SNCF, tout ça. Ouais, bien. À la poste, tu peux aller. Calme. Voilà, un truc calme. Un truc calme à la SNCF, vas-y. Un truc calme. Bien, ouais, ouais. Vas-y, là, tu seras tranquille. Je te fais un gros bisou, ma petite Eva. Je t'embrasse. T'endors pas avant la fin de l'émission, merci. D'accord? Bisous, ma chérie. Non, je vous écoute. Bisous. Mais j'espère bien. Hey, je peux faire une des. Bienvenue sur Énergie, tout le monde. Voici Evangeline. Ouais, et bah, oh, j'adore. Mais je sais que t'aimes bien. C'est pour te faire plaisir. Tu sais quoi, Pietre? C'est pour cette rentrée, j'ai décidé de le remettre que pour te faire plaisir. Ça veut dire que ça marchera pas. C'est vrai que quand Pietre aime bien un titre, souvent. Ça marche pas. C'est que le truc ne vient pas le succès du siècle. Mais alors, fais-toi plaisir. Sinking, dragged and faded, nearly there.

J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. J'aurais été là mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi je le ferai venir. Si toi et moi font nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque. Tant notre amour est plus fort que tout, yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Dis-lui, je ferai de ta vie un rêve. Ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. Allez, dan dan dan dan dan dan ma ton cœur dan dan dan dan dan. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. Vous allez voir, on va faire tourner des photos sur Twitter, hashtag Koé saison 7. Vous allez voir, on est beau. Oh, on est beau. Je crois que ça devrait être la tenue officielle de cette émission. Ouais, mais non. Comme ça tous les jours. Si, tout le monde trouve ça bien dans le public. Tout le monde, ils me sont là, ils me disent ouais, ouais, c'est mais classe, toi, t'as pas eu un short 40, taille 40, alors que tu fais du 30. Ouais, quoi. J'ai une veste en taille 40. Avec Guéguette, on pourrait rentrer à deux dans et mon short. La grande vadrouille, vous n'avez pas essayé d'échanger les fringues. Peut-être qu'il y en a un qui est serré dedans et l'autre qui est un peu large. Ah, mais lui, non, c'est trop grand aussi. Oui, c'était mes vêtements d'avant. Bon, allez, dans le public, on va dire bonjour, mademoiselle, au premier rang. Comment tu t'appelles? Samantha. Ça va, Samantha? Samantha to the world, eh? Samantha to the world, eh? Amanda de the Ryan, y'a que moi qui sais ça. Bon, alors, mademoiselle, voici les questions du public. Vous allez devoir répondre par vrai ou faux. D'accord. D'accord. Sachant, il n'y a pas de sentence? Non, c'est très rapide. Je ne peux même pas balancer une craie dans la gare. Ah, tu peux, je te frappe une craie. Ouais, elle est une craie. Une craie. Je te donne un stock de craie. Les règles, allez, bon, on n'a pas le droit de frapper. Non, pas les règles, les craies alors. Et pourtant, des fois, ils mériteraient. Mais une craie, on peut. Allez, vas-y. Le CSA autorise le lancement de craie. Je suis pas sûr. Si la craie est cascadeuse. Ah, c'est une craie cascadeuse. D'accord. Si elle est consentante, la craie, oui. Voilà, je peux. Donc, d'accord, on a le droit. Oui. D'accord, alors attention. Je vais. À quoi non? Après, on va dire que tu maltraites tes auditeurs. Non, je lance des craies. Mais vise bien. Bah oui, on va plus faire grand chose sinon. Hein. Voici la première question, mademoiselle. Un élève de Béthune a fait sa 5e rentrée en 6e cette année. Oui. Non, c'est faux. Je ne peux plus faire ça. Oh, j'ai bien tu visé. Vises bien. Ouais. À côté, le garçon. Prénom. Corentin. Corentin. Vrai ou faux? Un lycée a pris Jackie et Michel pour faire une conférence sur l'éducation sexuelle. Faux. Et c'est tellement dommage. Mais c'est faux. T'imagines. Le garçon d'à côté, le prénom? Benjamin. Ça va, Benjamin? Bien. Un élève de Limoges a cumulé 732 heures de colle l'année dernière en classe de seconde, soit un mois complet. C'est énorme. Je pense que c'est possible. Ouais, vrai. C'est vrai. C'est bravo, vrai. Jeune homme. La demoiselle à côté? Anaïs. Anaïs, je voudrais que ce jeune homme, s'il m'écoute, nous appelle. 732 heures de colle. Appelle-moi. Je ne sais c'est pas ouf. Qui tu es, mais donne-moi de tes nouvelles. Ouais. 0870 42 48, Le mec, il a passé l'été là-bas, il est tout blanc. On continue. La demoiselle, le prénom? Anaïs. Ça va, Anaïs? Attention, la règle, la créa peut partir. Hein. Attention. Pour remplacer les heures de permanence, un lycée de Nantes a mis en place des cours de Pokémon Go pour devenir un bon chasseur, vrai ou faux? Faux. C'est vrai. Mais ah, non. Oh, t'aurais pu y aller plus fort sur les heures de perme. Je t'en fais lancer une fille, c'est fou toi. Enfin, attends. Un lycée de la région lyonnaise confisque tous les smartphones, tablettes et montres connectées aux élèves en début de matinée et les redistribue chaque soir, vrai ou faux ? C'est vrai. Là, le bordel. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ils les prennent le matin, tu le déposes et tu le reprends le soir. Ouais. Mademoiselle, le prénom ? Victoriane. Jolie Victoriane. Un Merci. Lycée de Marseille a proposé aux parents de mettre la moyenne à tout le monde contre 10 000 euros. C'est faux. C'est faux, mais il s'est dit, putain, on aurait pu. Derrière, ça commence à être chaud pour moi pour envoyer, mais je peux y arriver. Hein. Nicolas, une école apprend le porno en théorie et pratique à ses élèves. Faux. C'est vrai, c'est la formation appliquée de la pornographie depuis 2013. La FAP, oui, mais c'est pas vraiment ouais, une école. Pardonne. Mademoiselle à côté. Olivia, une enseignante a été virée du lycée après avoir montré ses seins à des élèves, vrai ou faux ? Vrai. Oui, aux États-Unis, c'est vrai, elle a été virée. Pour lutter contre les inégalités, je nomme le prénom. Miloche. Ah, t'es à la tête, ça va Miloche ? Ah oui, ça va. Ça va Miloche. Pour lutter contre les inégalités, le collège Desigual a imposé à tous les élèves d'adopter le sac poubelle en guise d'uniforme. Juste pour la vanner, juste vu que c'est Desigual, je dirais oui. Baisse la tête, mademoiselle au premier rang, s'il te plaît, elle va partir. Ah, je l'ai eu. Ouais, ça, le jeune homme à côté, c'est une fille, je n'avais pas vu, pardon. Oh, j'avais pas vu. Le prénom ? Je suis choquée. Khadija, dans le Morbihan, une école compte une classe de deux élèves. J'ai pas entendu. Excusez-moi. Oh, mais j'ai pas entendu le début. Mais elle est rebelle. Non, mais j'ai pas entendu le début. Elle est rebelle, on n'aime pas ça. Si t'entends encore mal, elle va partir celle-là. Hein. Dans le Morbihan, une école compte une classe de deux élèves. Vrai ou faux ? Vrai. Ouais, c'est une classe de CP, il n'y a que deux élèves. Sur une île. Et le prof ne connaît pas les prénoms. Il fait, comment t'appelles toi déjà ? C'est sur une île, c'est ça ? Ouais, l'île de Watt. Et on les embrasse. Allez, voici Alvaro Soler. C'est l'un des tubes de l'été. Il était venu nous le chanter au mois de juin. Oui. C'était bon ça, hein ? Bravo le public, vous êtes bien, je vous mets la moyenne. Vous pourrez revenir une prochaine fois. Ça va, c'est bon, vous ne serez pas collé. Écoutez ce morceau, j'adore ça. Moi aussi, j'adore. Bienvenue chez lundi. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación. Se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía. Sofia. Fini les vacances. Koué fait sa rentrée. Et il a même pas pleuré. En même temps, il a l'habitude. Hein. Ça fait 7 fois qu'il redouble. Koué, 19h, 22h, sur Énergie. C'est la rentrée, on s'admet en ligne s'il vous plaît, on s'installe. Ah, ça me stresse à chaque fois que tu la mets. Dans ta gueule, et moi ma mère va peut-être pas loin, ouais. Je vais sauter au café. Ok, on fait un bisou à Mathieu, Mathieu. Salut Koué, salut tout le monde. Salut Mathieu, dites bonjour à Mathieu tout le monde. Bonsoir, bonjour à Mathieu. Ça va Mathieu? Mathieu, nouvel élève, quelle classe? Terminale. Terminale, c'est bien, quel est le nom de ton bahut? Saint-Thomas d'Aquin. Oh, ça rigole pas ça. Ouais. Saint-Thomas d'Aquin. C'était qui? Il fait quoi? Il a inventé l'Elia Baldaquin. Ouais, c'est ça. C'est lui. C'est Saint-Thomas. Mais non, c'est un philosophe. En fait, il s'appelait Saint-Thomas Baldaquin, mais ils ont fait plus court. D'accord. Julie. C'est un philosophe. Saint-Thomas d'Aquin. Ouais. C'est fini qu'une fois, maintenant, on va tous les apprendre à chaque fois, on va s'enseigner avant. C'est écrit sur le papier. Saint-Thomas d'Aquin? Non, bon, c'est un prêtre. C'était oui, un Saint-Thomas. Jésuite, c'était un... Je sais pas, il écrit philosophe. Non, Saint-Thomas, il n'était pas né saint dès le début. Ah, je sais pas. Il avait des saints. Il a été canonisé derrière. Ouais, oui, c'était un mec qui a aidé des gens pauvres. Et vous avez vu, Mère Teresa, elle je sais pas quoi, non. C'était un docteur. Un docteur? Ouais. Oui. Docteur Angélique. Ah bah, il a inventé le Daquin. Docteur c'est en quoi? Docteur Angélique. Angélique? Ouais, Angélique. Peut-être sa meuf, c'était Angélique, et puis du coup, il l'a soigné. Bon, on s'en fout. Alors, ouais. Il est donc. Oui, t'es Dominique. Oui, c'est bien ce que je suis pas d'accord. Bon. Mon pote. Ah, très bien ton lycée. Il est bien noté? Non, mais c'est surtout qu'il est pas mal, en forme. Ah oui, il est beau, oui. Ça fait américain. Ouais. Ça fait un peu l'américaine. Ouais. Et combien il est dans le classement des lycées? Ah, aucune idée. On l'a ou pas? Mais non, on te l'a mis. Sur la feuille, c'est écrit. Non, pas sur la feuille. Si, ah, si. Fais voir un peu. Ah, si, pas mal. Classement national, 563e sur 2277. C'est pas mal. Ouais. Et dans le département, 8e sur 28. Ah, ouais, pas mal. Oh. La classe, Saint-Thomas d'Aquin. Ils sont sympas ou pas? Pas trop. D'accord. Est-ce qu'il y a un truc pas qui trop. Manque? Je sais pas ce qui manque, mais on va dire que l'ancien directeur surtout, puis les profs, c'est pas mal des vieux grincheux. C'est une école privée très catholique, donc bah oui, une école, fun, oui. Quoi. Ouais, mais en même temps, une école privée très très cool, c'est assez rare aussi. C'est hein. Rare, ouais. Ouais. Le but du jeu, c'est que ça soit un peu serré. Bon, alors je vais donc poser 5 questions. Ouais. Oui, vas-y. 5 questions. On est sur 5, on a dit. Hein. Voilà, on va dire qu'il faut au moins avoir la moyenne. Oui. Faut avoir plus de 3/5 pour avoir le label Koué. Exactement. On y va, c'est parti. On prend la gardienne, le CPE, le premier qui répond. Le premier qui répond. Oui, on n'a pas le choix là. Le jardinier. Un cambrioleur. Le mec qui a fait 730 heures de perm et qui reste. Qui est tout seul. Oui. Oui, bonjour. Le lycée Saint-Thomas d'Aquin. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Koué à l'appareil, d'énergie. Comment allez-vous? Ça va bien, je vous remercie. Bon, la rentrée s'est bien passée? Très bien passé. On voulait pas... Oui. Un petit peu plus tard, je suis en réunion. Parce que là, vous êtes au bureau du directeur. Vous êtes le directeur? Eh oui, je ne sais pas comment ça va se passer dans mon bureau, mais je suis en réunion. Ah, écoutez, je ne sais pas non plus. Alors, alors, est-ce que vous pouvez rappeler un peu plus tard? J'ai dû prendre le standard par erreur, je suppose. Ah, mais, alors, vous savez quoi? Déjà, je vous mets une sympathie parce que vous êtes très sympathique. Ah, puis je vous remercie. Ah non, mais c'est important. Je vous ai dit qu'on était en direct sur Énergie ou pas? Ah, pas du tout. Ah, bah, je vous le dis. Voilà. Ah, voilà. Je vous le dis. Et alors, premier point, vous êtes très sympathique. Ça fait déjà un point. Et surtout un jour de rentrée, vous auriez autre chose à faire. Je vous trouve très sympa. Bah, d'ailleurs, il est en réunion. Non, parce que je vous explique. Le principe, vous êtes en réunion, vous avez 3 secondes. Oui, c'est en réunion. Oui. Ça va durer 3 secondes. Je vous explique, oui. On a une série de quelques questions pour savoir si les lycées de France peuvent avoir le label qualité Koué. Donc c'est très simple, c'est pour connaître le confort du collège et du lycée. En 5 questions. Donc ça va aller vite. Oui. Alors ça va aller vite, monsieur le directeur. Est-ce que vous avez des casiers pour les élèves? Attendez, parce que je viens d'être nommé à la rentrée là. Hein. Je suis tout nouveau directeur. Ah, bah, donc, bienvenue. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas visité le lycée. Est-ce que les ordinateurs de la salle informatique sont récents? Oui. Voilà, vous voyez, ça c'est un bon point. Très bien. Est-ce que vous distribuez du McDo gratuitement à la récré? Non. Non, bon, c'est pas mal non plus. Est-ce que le papier toilette est doux? Oui. Ah, vous voyez? Alors, ça compte double. Et enfin, pour terminer, est-ce qu'il y a une soirée de fin d'année qui sera prévue avec un DJ? Soirée de fin d'année prévue avec un DJ encore en réflexion. Ça sera un aumônier. Attention, en réflexion, plus vers le oui ou plus vers le non? 50-50 pour l'instant. Je vous mets le label qualité. C'est le papier doux qui a tout fait. Merci monsieur le directeur. Je vous en prie, au revoir. Allez, travaillez bien, il faut des bonnes réunions. Il est très sympa Mathieu, directeur. Il est très sympa ton nouveau directeur. ça va, ça va. T'as vu comme j'ai été sympa? J'ai pas dit parce qu'on a Mathieu en ligne qui trouve que vous êtes pas cool du tout. Ouais. T'as vu ou pas? C'est l'ancien directeur qui était pas du tout. Ah ouais, vas-y. Ah, bah, il a l'air cool, le nouveau. Très, très bien. Je mets le label qualité, le lycée Saint-Thomas d'Aquin, c'est bon, c'est on parti. Le note. Mathieu, je te fais un gros bisou, bonne rentrée, mon pote. Merci, bisous. Ciao, à bientôt. Vous aussi, bonne rentrée. Tout le monde doit écouter Énergie, ça vous fera des bonnes notes tous les soirs. 19h, 22h, je m'appelle Coé. Il y a toute l'équipe qui sera là. C'est Guiguette, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Très belle photo de Guiguette jeune. Il a la même tête. J'ai les oreilles un peu plus décollées. Allez, voici Willy William qui se balade dans le pavé. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade dans le pavé. Je me balade dans le pavé. Je me balade dans le pavé. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam-pam. Zao qui va venir nous voir. Il y aura le retour de Maître Gims. Ouais. Ça fait... Julie, t'étais bien à l'école? Ouais, ça va, bon, j'étais très régulière, ouais. Pietre? En fait, je travaillais pas, mais j'avais des bonnes notes. Mais j'avais la moyenne, quoi. Enfin, j'avais, Pietre? Je crois qu'on est tous 14. Un peu à l'image de ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'étais très dissipé et je passais à chaque fois mes limites parce que ça me. Voilà, je me démerdais pour passer les limites. Mais par contre, ouais, je foutais un peu le bordel. Ouais. Guéguette? Ouais, j'étais bon élève et j'en branlais pas trop. Moi non plus. Ouais. J'étais bon élève, mais à la cool. Pareil. Très tranquille. Non, j'étais une tanasse, moi, pour les profs. Si je vous dis, monsieur Albrecht. Voilà. Albrecht. Monsieur Albrecht. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un dans cette équipe? Monsieur Albrecht. Il y en a un qui fait un sourire. Oui, Loris, pardon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez appelé un prof à moi? C'est un prof à toi? Monsieur Albrecht, il était prof de quoi? De Albrecht. De Mercatique. Mercatique. Marketing. Ouais, c'est marketing, ouais. Dis bonjour à ton ancien professeur. Ça va, Benoît? Jean. Ouais, tu l'appelais par son prénom. Je l'appelais Benoît. Je me rappelais de Benoît, ouais. Mais on n'appelle pas Benoît son ancien prof. Si à la fin on avait sympathisé, je disais Benoît. C'est pas une raison. On dit monsieur. On dit monsieur. Ça va, monsieur Albrecht? Ça va bien, merci. Alors, mais nous ça va. Alors, comment était le petit Loris alors à l'école? C'était en quelle classe déjà, cours de mercatique, c'est en quoi? C'était en terminale. Il était comment Loris en cours? Si vous vous souvenez de lui, parce que vous avez le droit de dire, je me souviens pas du tout. Loris, il était très très actif, disons. Toujours. Très présent. Chiant, quoi. C'est-à-dire très présent, pénible. Non, pas du tout. Non, en fait, c'était un gros bavard, tellement bavard qu'il était assis tout seul. Il n'avait pas de. C'est tout seul, ouais. C'est le loser. Il est assis tout seul. On mettait à l'écart, c'était très gênant. Ah bah encore aujourd'hui, on se met à l'écart. Ouais, Loris, tout seul. Ne quittez pas, monsieur Albrecht. Loris, si je te dis, madame Garcia. Ah non. Prof de quoi? De communication. Madame Garcia, comment allez-vous? Bonjour. Ah, je vous vois l'accent. Et bonjour. Et bonjour, Loris. Ça va? Voilà. Monsieur Albrecht nous a dit, vous savez que vous avez que des cours que j'ai jamais eu de ma vie, hein, communication et mercatique. T'as pas fait la même branche. Et alors, madame Garcia, il était comment le petit Giuliano? Ah, mais le petit Giuliano, à votre avis? Chiant. C'était le petit clown. Voilà. Le petit clown. Ah, oui. Loris, ben oui, il y avait Loris et le reste de la classe. Madame Garcia et monsieur Albrecht, je voudrais que vous répondiez à cette question. Est-ce que Loris, à l'époque, il avait une petite copine? Oui. Parce que nous, on le voit jamais avec une fille. Oui, ce que je veux dire. Je pose des questions. Donc, on est obligé de remonter dans sa jeunesse pour voir. Rester secret. Hein. Ouais, et il a, donc, monsieur, secret. Ah, monsieur Albrecht, il avait une petite copine alors. Ouais. D'accord. Ah, vous si c'est secret, je dirais pas. Madame Garcia, vous l'avez jamais vu avec une fille, vous? Moi, j'aurais dit le séducteur, le charmeur. Oui. Mais je l'ai pas trop vu. J'ai pas trop vu quand même. C'est quand même bizarre que le beau gosse du lycée soit avec aucune fille. Eh ouais. Non mais j'ai la raison. Ça c'est vrai. En fait, je me suis fait gauler en, je crois que c'était en 5e, par le CPE, en train d'envoyer des sextos à une meuf. Mais non. Je me suis fait afficher devant ma mère et mon père et j'ai dû aller m'excuser devant la mère de la fille avec mon père. Ça m'a traumatisé. Donc, t'es devenu gay. Voilà. Non, depuis je m'affiche plus du tout. Depuis, il envoie des sextos, mais mon mec. Ça passe beaucoup mieux, il dit c'est un copain. Je vous fais un bisou, madame Garcia. Et c'est qui sur la photo? Mais non, oui, on vous embrasse. À bientôt, madame Garcia. Vous avez l'air adorable. Monsieur Albrecht, à bientôt, Benoît. Quand j'étais en terminale. À bientôt. Salut, bon courage les deux. Merci beaucoup. Ils sont dans quelle ville? Lycée Nevers à Montpellier. Lycée Nevers à Montpellier. Et quand j'étais en terminale, t'étais déjà en émission, Coco. 2012-2013, je faisais déjà de la radio. On avait déjà commencé. Non, mais on était là. Ton t-shirt Captain America, on en parle. L'autre, il a un t-shirt. Il est super beau gosse du bahut. Et il a aucune nana avec lui. Il y a que des meufs. Et à côté de lui, deux potes. Ils tiennent la cuisse. Je dis rien. Bienvenue sur. Mais non, elles sont en haut. Tout de suite sur Énergie. Bougez pas, on est de retour dans un instant. Il y aura Chloé. La main et tout. Ça va, ma petite Chloé? Tu bouges pas? Bonjour. Ça a été la rentrée? Oui, enfin un petit peu difficile. Allez, ne bouge pas ma chérie, on en parle dans un instant. Pause pour tout le monde. Pipi, vite. Un pour tous. J'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires, l'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. De 40 artistes sur scène, des tableaux et des chorégraphies à couper le souffle, un décor grandiose. Rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Ah, c'est trop bien! Avec Énergie, it's music only. Maître Gims, à contre-cœur. Retrouvez tous les tubes de Mon cœur avait raison, enrichis de 7 inédits. Inclus Est-ce que tu m'aimes? Sapé comme jamais. Ma beauté, Boucan. À contre-cœur, le meilleur des pilules rouges et bleues, plus 7 inédits, disponibles maintenant. Petit message Peugeot en forme de QCM. Sachant que Pierre roule tous les jours avec sa Peugeot et qu'il freine aussi souvent que la prudence, les stops et les feux rouges l'exigent, quand devra-t-il penser à faire vérifier ses plaquettes de frein? Réponse A, tout de suite. Réponse B, maintenant. Réponse C, immédiatement. Je vous laisse réfléchir. En ce moment, chez Peugeot, profitez de 30% de remise sur les disques et plaquettes de frein. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Énergie, it's music only avec Kinvé en concert. C'est Kinvé sur Énergie. Kinvé repart en tournée des Zéniths, partout en France, dès octobre 2016. Infos et réservations, énergie.fr, nousproductions.com et points de vente habituels. Kinvé, en concert. concert. Dans un monde meilleur. Un événement énergie. Hit Music Only. Leclerc. Hop, hop, hop, hop, hop. Philippe, fais voir ce site-là, sport.leclerc. Oui, sport.leclerc, le nouveau site de vente en ligne des plus grandes marques de sport par Leclerc. Adidas, Nike, Reebok, Arena, Speedo. Mais c'est génial ça pour la rentrée sportive des enfants. Ah bah carrément, sport.leclerc, le sport a pris Leclerc. Découvrez sur le site sport.leclerc une sélection d'articles de sport et les plus grandes marques a pris Leclerc. Mais y a pas que les enfants, moi aussi je veux une paire de chaussures de sport. Ok, et sport pour tout le monde. Ah, Cahier, classeur, stylo, compas, double décimètre... C'est bon, t'as tout ? Bah, je crois. Non, tu n'as pas tout. Moi, j'ai pensé à prendre un forfait mobile free à 2 euros par mois. Ah oui ? Il y a quoi dans ce forfait ? Eh bah, 2 heures d'appel, SMS et MMS illimité, 50 mégas d'internet en 4G, le tout sans engagement. 2 euros, c'est le prix du tube de colle, t'imagines ? Bah, c'est même 0 euros par mois pour les abonnés Freebox. Difficile de faire moins cher. Offre soumise à condition, 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Merci qui ? Merci Free. Comme tous les matins, j'étais sur le trajet du taf. Comme tous les matins, je marchais la tête un peu dans le sac, les yeux rivés sur mon portable. Ce matin-là, j'ai pas fait gaffe en traversant le boulevard. Et je me suis fait faucher par une voiture. Aujourd'hui, mon seul trajet, c'est entre mon lit et ma salle de bain. Mon frère veut tout arrêter pour s'occuper de moi. Mais cet accident, c'est le mien. Je le laisserai pas foutre sa vie en l'air. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ? Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. MAF Assurance présente, parole de pro. Bonjour, je suis votre conseiller MAF Pro. Je suis chargé de dire à tous ceux qui ont un véhicule professionnel équipé d'aménagements spécifiques comme un bras de levage d'une benne, une cellule frigo ou un hayon, qu'en cas de dommages matériels subis lors de leur utilisation, avec l'assurance AutoMAF Pro, ils peuvent être indemnisés en fonction du capital souscrit. Ça, c'est du spécial pro très pro. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option bris interne aménagement pro, détaillé dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur MAF.fr. Britney Spears. Découvrez Glory, le nouvel album de la reine de la pop. Britney Spears, son nouvel album, maintenant disponible. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous ? Oula, oui, freinez encore ? Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, non, ne vous inquiétez pas, en ce moment, chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir. Chez Motrio, on s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. La revanche des ex, du lundi au vendredi à 18h15 sur Énergie 12. 8 célibataires à la recherche de l'amour. Ce que j'aime avant tout, c'est les femmes, les femmes et les femmes. Tant que ça se mange, je croque. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Leurs ex vont débarquer. On était au paradis, pas d'orage à l'horizon. Et là, on dirait que l'enfer est en train d'arriver. Ils pensaient avoir tourné la page. Ce n'est peut-être pas le cas. La revanche des ex, du lundi au vendredi à 18h15 sur Énergie 12. Leclerc. Ouais, vive la rentrée ! 40% de réduction immédiate chez Leclerc ! Enfin Philippe, c'est quoi tout ce raffut ? Ah bah 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc, et sur de nombreux produits. Des rentrées comme ça, moi j'adore. Ah bah dis donc ! Est-ce que quelqu'un aurait envie de quelque chose ? Je vais faire un saut chez Leclerc ! C'est parce qu'à la rentrée, on a encore envie de se faire plaisir que chez Leclerc, du 6 au 17 septembre, vous bénéficiez de 40% de réduction immédiate sur de nombreux produits. 20 modalités dans les magasins participants. Ah c'est vrai que 40% ! Voilà, vive la rentrée chez Leclerc ! C'est la rentrée et que... C'est parce que j'ai remis un petit bruit de Stouf qui fait le dindon. Oui. Ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas que nous allons... Alors, ce soir, ça se passe aussi sur notre Facebook. Oui. Coé officiel. Je vais faire tourner sur Facebook ce soir des photos de nous. Photos de classe où vous devrez nous retrouver. Ouais. Donc il y a une photo de classe pour Julie, oui. Une photo de classe pour Guéguette, il y en a une pour toi, Pierre. Oui, il y a la mienne. J'ai honte de la mienne, mais c'est un truc. Bah, moi, la mienne, la mienne, je peux vous la montrer, je dis pas où je suis. Alors l'équipe ne dit rien, voilà, ouais. ça c'est la mienne. Oh, c'est dur. Ah, c'est encore pire la tienne. Les coiffures, elle est louche. Ah, les pulls rouges, c'était la mode ou quoi ? Tout le monde a un pull rouge. C'était les années Portnawak là. Ouais. Là et moi, c'est pareil. Et la coupe au bol ? Écoute, on en parle, Julie, ou pas? Écoute, il n'y avait pas de quoi faire. C'était les chutes avec les fins de laine. Moi, de c'était pas mieux. Hein, la alors, c'est là où on voit qu'il y a des gens de l'équipe qui sont plus jeunes que d'autres, d'abord dans la, dans la qualité des photos. Oui, c'est ça. Déjà, et vous verrez, on, vous les met sur, on va mettre photo par photo sur notre Facebook, Coé officiel. Et dites-nous, d'après vous, où vous on, essayez, où essayez de rechoper les photos sur Snap ou machin truc, essayez de voir tout ça et de m'entourer vous ma entourez, tête. Ouais. Voilà, ouais. Vous prenez en photo, la photo sur votre écran avec Snap et vous m'entourez ma tête et vous nous faites ça sur Coé Off sur Snap. Ça va être drôle. Et Coé officiel, on vous fait ça toute la soirée. Donc pendant que vous écoutez Énergie, vous pouvez aller mater tout ça. Ça va être un grand moment. On est ridicule. Oh, j'ai peur. On est vraiment ridicule. Chloé, ma chérie, ça va? Oui, bonjour. Et bonjour, Chloé. Tout va bien? Non, pas trop. Ah, chérie, de quoi on se parle dans un instant? Eh ben, on se parle que je me sens très mal à l'aise par rapport à mon papa, en fait. Enfin, pourquoi? Par rapport à la rentrée, tout ça. Pourquoi? Bah, en fait, il veut beaucoup me protéger. Du coup, il veut m'accompagner au bahut. Mais le truc, c'est qu'il veut se faire ami avec mes copains et il sort des blagues de merde. Ah, enfin, voilà. Et t'as quel âge? J'ai 16 ans. Ah, c'est le père de Jim. On en parle dans un instant. C'est le père de Jimbo. Ah ouais, c'est un peu ça. Avec ta mère. Oui, t'as raison. Allez, reste avec nous, ma chérie. Ne bouge pas. Dans un instant, juste après Lil Wayne. C'est lui qui a annoncé qu'il arrêtait tout? C'est pas lui? Il a mis fin à sa carrière? Rien du tout. Lil Wayne? Je crois pas. Ouais, il voulait faire du skate, je crois. Non, je vais vérifier cette histoire. Il n'a pas 33 ans. Je vais vérifier. Take my hand through the flames. I'm a slave to your games. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg, 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. With my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squads. I've been riding around the city with my squad. We just posted getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fan, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like, what's up, hold up, we finna reload up. Yes, I reload up, I know what up, I know what up. I torture you, take my hand through the flame. I torture you, I'm a slave. Devoted to destruction, a full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain, I'm a dummy. Might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole, that's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't feel shit but tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. You used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. J'avais raison, non? Lil Wayne, il a bien annoncé qu'il mettait fin à sa ouais, carrière. Ouais, c'est ça, t'as raison. Voilà. Ça retourne. Eh, dis-moi quoi, dis donc. Il m'a appelé ce week-end, il m'a dit j'arrête ouais. tout. Il va aller faire du tricot. Mais c'est ça, je lui ai dit mec, arrête et tout. Il m'a dit non, j'arrête, j'en ai assez, ça me saoule. Bah voilà, c'est tout. C'est marrant. Chloé, c'est les 7 nains à lui tout seul. Brave, grincheux, timide, simplet, adjoum, dormeur et joyeux. Alors que la seule personne de petite taille, c'est Julie. Koé, 19h-22h, sur Énergie. Julie va au boulot. Ah, ça va. Comment ça va, Julie? Bien, ça Pietre va, aussi, on ouais. est tous très très beaux ce soir. Allez mater nos photos sur Twitter, allez mater nos photos d'enfants sur notre Facebook Koé officiel. Je sais que vous vous foutez déjà de notre gueule et vous avez bien raison. Mais t'étais beau, regarde. Moi, j'adore tes photos quand t'es bien le tété. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, Julie, toi qui es une fille, parce qu'il y a une photo de moi qui vient de passer sur l'écran où j'avais 16 ans. Karmika. Est-ce que tu peux m'expliquer comment je pouvais. Tu me trouves jolie. Ah oui, vraiment beau. Oui. Pourquoi je n'avais aucune nana qui voulait de moi? Voilà la photo. Franchement, je sais pas. Mais parce que t'étais persuadé d'être agent secret, mec. Tu faisais flipper les meufs. T'étais relou. T'avais une carte d'agent secret. T'as changé après? Là, t'avais quel âge là sur cette photo? C'est assez vexant ce que tu viens de dire, parce que t'as dit que t'étais super beau, t'as changé après, non? Non, c'est... mais pour pas avoir de meuf, t'as changé de look, t'as fait mais quelque non, chose. Mais enfin, Julie, j'ai un look militaire, là, c'est là, t'as quel âge? J'ai 16 ans. Le visage, je suis désolée, t'es beau sur la photo. T'as des cheveux et tout. C'est la mode du vintage, c'est pour ça. Évidemment, un gars de 16 ans chauve, il y a un souci aussi. Non, mais c'est canon. Non, mais on te retrouve aujourd'hui. Là, tu fais flipper par contre. Ouais, là, t'es pas beau. Là, j'avoue que. En chinois, tu fais flipper. Là, t'es pas en chinois. Tire un Playmobil, la coupe au bol et tout. Je suis pas en chinois, j'ai la chinoise. Mais là, tu fais futur psychopathe là. Ouais, j'avoue, là, t'es pas bien. Ouais. Ah, t'avais des yeux comme ça. Qu'à l'époque, Picardie était un Joomla avec Lynn. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Mais et non, tu vois, t'as totalement changé après, t'as plus du tout la même tête. Écoutez, voilà. Chloé. Oui. Bonjour. Bonjour. Mon petit chat. Chloé, donc, elle est embêtée avec son père. Ah oui. Alors, il faut que tu m'expliques ça, ma chérie. Eh ben, en fait, je suis rentrée en seconde et mon papa, ben, en fait, il est au chômage. Du coup, ben, il fait pas grand-chose la journée et il a peur pour moi, il veut me protéger. Donc, en fait, il m'a accompagnée ce matin jusqu'au collège, jusqu'au lycée, du moins. Et il a voulu descendre de la voiture pour faire connaissance avec les amis que j'avais. Et il a commencé à leur sortir des blagues de merde. Enfin, il veut sympathiser avec. Et il a dit que tous les mêmes matins, il m'emmènerait au bahut, quoi. Tous les matins il t'emmène, c'est pas gênant. C'est si tous les matins il sort et qu'il discute avec tes potes. Oui, que voilà, c'est ça. En fait, il est check et tout. T'imagines. Mais attends, après, si une fois de temps en temps il vient avec des pains au chocolat. Tes copains m'ont trouvé que c'est le père le plus cool du monde. Ouais. Oh ouais, mais s'il fait des blagues reloues. Ah ouais. Julie, t'aurais un père d'une de tes copines qui serait arrivé avec des croissants en disant allez, c'est pour vous, cadeau. Hey, tu ouais, mais s'il cool, tape la discute derrière et qu'il tient la jambe, c'est relou. Hein. Ouais, puis c'est des blagues nulles. Enfin, voilà, c'est pas très recherché. Puis des croissants tous les jours, tes copines, elles vont prendre de la cuisse à la fin de l'année. Hein. C'est pas bon, ça. Hein. Non, mais chaud, tes copines. Ah, mais c'est ses copains, en l'occurrence. Ouais, c'est des mecs ou des meufs? Des amis, enfin mes amis, quoi. Il y a aussi bien des mecs que des meufs, quoi. Non, mais ça craint, chacun sa place, faut arrêter les conneries. Je déteste les parents qui veulent faire jeune et qui sont en mode pote, quoi. C'est vrai, quand t'es parent, t'es pas pote. Bah, t'as le droit d'être sympa avec les élèves. T'es sympa avec les élèves, avec les amis. Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, la sœur de Square. Non, mais c'est vrai, t'es sympa avec les amis de tes enfants. Mais venir pote, intime, quoi. Ça devient vite glauque, hein, je trouve. Ah ouais. Puis c'est marrant de jouer le côté, justement, où tu traumatises. Ouais, t'es un connard. T'as joué le connard. Tu sais que t'as qu'à sortir la tête de chez toi, ils font trop de bruit. J'avais pas dit moins de 2 mètres et je te tape ta gueule. Hein, ma fille, quoi. Ouais, tu joues le gros con, ça ils ont peur de toi. Pas de basket. Quand tu déposes tes enfants à l'école, tu les déposes juste, t'es pas là à taper des blagues et à refaire l'émission devant l'école. Ah bah non. Bah alors. Non, non, tu vois, tu joues ton rôle de père. Ou alors le côté super relou. Tu vas sortir. Chérie, ton goûter, je t'ai ramené tes BN. À tout à l'heure, mon cœur. Voilà. Hé, hey, cœur, love, papa qui t'aime. J'ai pas entendu, je t'aime, papa. Ta gueule. J'ai pas entendu, je t'aime, papa. Viens faire un bisou à Papounet. Tu fais quoi, papa? T'as pas fait bisou à papa? Attends, papa, il vient dans la cour d'école. Voilà. Papa, lâche-moi. Oh là là, bisous. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que ça peut être un peu relou. C'est gênant. Mais c'est un âge où t'as pas non plus super envie que ton père t'accompagne jusqu'à l'entrée de l'école. Après, t'assumes ou pas tes parents. Après, ça peut être bien de. Mais c'est marrant parce que je crois que t'as des moments où t'es content que ton père ou ta mère soit là et des moments où t'as pas envie. Ouais, c'est vrai ça. Mais ça dépend des parents que t'as aussi, quoi. Ouais. T'as des parents qui sont plus ou moins présentables que d'autres. Ouais, c'est vrai, il a raison. Il y a des gens qui nous écoutent, leurs parents, ils sont pas présentables, ils sont grande gueule, ils parlent fort et machin. T'as un peu la honte, t'as un peu les boules, puis t'as des fois des parents, ils sont cool et elles, t'es le fils Beckham ou Zidane, je pense que t'es content quand ton père t'amène à l'école. Mais ouais, non, je crois pas. Je crois que t'es le fils Zidane, t'as pas du tout envie que ton père il vienne parce que d'un seul coup, tous les copains disent hey, ton père c'est Zidane. Je crois que t'en peux plus. Quand t'es né et que ton père c'est Zidane, t'as le cul que tes copains ils bloquent sur ton père. Non, je crois qu'au contraire, ils préfèrent que le père il vienne pas, je pense. Ah, tu sais de quoi tu parles, hein? Ouais, je sais pas, moi ils disent pareil, t'as vu ces idées. mais je crois. Pareil. Non, mais écoute, essaie de négocier avec ton père. Tu dis, écoute, c'est cool que tu m'emmènes, mais t'es pas obligé de descendre tous les matins, de taper la discute. Oui. Tu vois, tu dis, je grandis, j'ai mes copines, personne, t'es le seul à le faire. T'as déjà essayé de lui faire comprendre ça? Vu que c'est la rentrée, il voulait vraiment bien faire. Oui, mais la rentrée, vu qu'il a bien sympathisé avec mes amis, il veut venir tous les jours. Non, tu lui dis non, pas tous les jours. Hein. Tu lui dis non, pas tous les jours. Et vas-y à pied, tu peux pas y aller à pied ou... Bah justement, vu qu'il veut me protéger, vu que je suis rentrée en seconde, il veut à tout prix m'emmener en voiture. Tu lui dis que c'est un autre lycée, comme ça il t'emmène dans un autre lycée. Il fait ça parce que c'est le début. Et puis après, ton père, il va retrouver un boulot. Il pourra pas le faire tout le temps non plus. Ouais, j'espère, Non, mais oui, t'inquiète, profite un peu. Ne déprime pas. Dis-lui, ne me dépose pas tous les matins. Dis-lui, j'ai besoin j'ai besoin d'être tranquille, t'es le seul. Et puis dis-lui ça, dis-lui, t'es le seul à le faire. C'est un peu relou, les autres parents ne le font pas. Ouais, t'inquiète, ça va aller. D'accord. Bah merci beaucoup. Je te fais un bisou, ma chérie, je t'embrasse. Oui, gros bisous. Faut que tu y ailles. J'adore cette sonnerie. J'adore ça. Cette sonnerie, vous savez pas où c'est la joie quand t'entends ça. Ouais, c'est vrai. C'est la fin du cours qui durait pendant 3 heures. Ouais, et il y avait un lycée dans le Nord qui choisissait tous les ans, tous les trimestres, de changer la unité de musique. Eux-mêmes choisissaient une chanson de. J'ai pris Lily Woods and the Freak. Bah, c'est une super idée. Plutôt que d'avoir une sonnerie, d'avoir une musique qui donne la fin du cours. On a toujours eu ça, nous. Bisous, ma Chloé, je t'embrasse. À bientôt. Qu'est-ce qu'on écoute? C'est Don't You Know Kungs. Ah, c'est Kung surtout. Oui. Qu'est-ce qu'on aura après? Après, il y aura Manzella Merlo. Ok, bon, tu vas arrêter de le dire en fait. Tu vas arrêter. Il y aura Manzella Merlo, il y aura 21 Pilot, il y aura Claudio Capeo qui sera notre invité mercredi. Montez le son, ça c'est le nouveau Kung. monsieur. C'est la place de Coé. Ah, mais c'est toi, Coco. Pardon. Non, mais t'as tellement maigri et bronzé que je t'avais pris pour Vincent Cerutti. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Bonne rentrée à vous tous. Je voudrais quand même vous dire qu'il va y avoir des trucs de dingue dans les jours qui viennent. Maître Gims va revenir nous voir. Jamais. Il y aura LP qui va passer. Ça se prononce LP. Zao va venir mercredi à Claudio Capéo. Me réveillerez-vous. Merci, c'est pas pour moi, c'est pour le singe. Merci beaucoup. Et je voudrais quand même dire, parce qu'on parle de rentrée scolaire, vous avez vu que... Alors attention, je m'adresse évidemment aux gens du CSA, ceci est quelque chose de culturel, hein, pour l'école et de l'éducation nationale. Un clitoris en 3D pour apprendre la sexualité aux enfants. Ils se sont rendus compte que quand tu apprends la sexualité aux enfants sur des images, ça ne marche pas. Donc il faut fabriquer les zboubs et les petits clitoris en 3D. Et ils ont fabriqué un petit clitoris de femme. C'est dégueu, c'est bizarre. C'est les profs de sciences au collège et lycée qui vont utiliser un modèle de cet organe dans les magazines scolaires. Alors, c'est un peu bizarre quand même. Moi j'ai vu la photo. Bon, mais t'es arrivé d'en voir dans ma vie, hein, des clitoris. J'ai eu deux. Mais là, c'est de l'intérieur, donc c'est tout l'organe, quoi. C'est tout le truc. Bon, quoi. Alors déjà, c'est comme en médecine. Hein. Déjà, très honnêtement, moi, j'ai jamais vu qu'il ressemblait à ça. Ah, moi, j'ai plus envie d'y aller, hein, depuis. Deuxièmement, hein. quand tu le vois, t'as pas du tout envie de le voir en vrai. Ah non. C'est-à-dire c'est de l'intérieur. Moi, je pense que t'es collégien, on te montre ça, tu fais, bah, j'y vais jamais. Bon, je laisse tomber. Hein. J'y vais jamais. Mais c'est que le petit bout, en fait. Excusez-moi, c'est dégueu, on dirait un os de poulet. Tu sais, l'os de poulet, c'est des taches là. Celui qui est en V, là, que tu manges comme ça. C'est dégueu. Entre le crabe dans le chouchou, l'os de poulet, c'est l'arche de Noé à l'intérieur. c'est un truc, je ne comprends plus. On fait un bisou à Kerian. Ça va, Kerian? Oui, ça va, et toi? Ouais, t'es en quelle classe, Kerian? CM2. CM2, bientôt le collège, mon grand. Bientôt le collège, ça va venir. L'année bon. Prochaine, il a pas l'air d'avoir envie. Ouais. ça va, de ton côté, toi, tout roule, les vacances, c'était bien? Oui. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Comment ? J'allais balader en fait. Tout l'été, c'est une belle balade. Non, c'était long. Hein. Une grande balade. Deux mois, c'est une très très grande balade quand même. Oui, mon père c'est Forrest Gump, il marche à travers les États-Unis. Tu peux demander à la personne à côté de se taire. Qui est-ce qui crie comme ça ? Qui c'est qui crie ? C'est qui ? Ta sœur. Il faut lui dire d'arrêter parce qu'elle fait beaucoup trop de bruit, ta sœur. Sinon, tonton Coé, il va venir. Il va gronder. Elle a quel âge, ta sœur? Il va faire les gros yeux, la Black M, comme ça. Et puis elle ça a va... un an. Un an, oui, bon, bah, d'accord. C'est effectivement, à cet âge-là, c'est difficile de dire quelque chose. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait, Julie? Kerian, apparemment, il a un petit souci. Il y a un truc qu'il ne comprend pas. Et en fait, on va l'aider, justement, à éclaircir son problème. On va essayer. Pourquoi? En quoi t'es nul, Kerian? En français. Ouais. En français, t'es nul? Bah, Julie aussi, hein, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, j'étais bonne. En quoi tu te trompes, par exemple? En quoi t'es mauvais? Je sais plus s'il faut mettre un L ou deux L dans le verbe appeler. Ah, il est relou, celui-là. Alors, déjà, combien tu mets de P dans appeler? Deux. Voilà. Et est-ce que quand tu dis appeler, est-ce que tu dis appeler ou appeler? Appeler. Donc, si c'est appeler, c'est que derrière, il n'y a qu'un seul L. Parce que sinon, si tu mets deux L, ça fait L, ça ferait appeler. C'est pour ça que dans un appel, il y a deux L. Julie, elle a pas compris. Si, mais en fait, la réponse, tu devais la donner après. Quoi, non? Quoi? Pourquoi tu dis non, toi, là-bas? Non, je disais non à Pietre. Bah oui, c'était une vanne. Ouais, mais non. Oui, mais tu donnes la réponse, donc j'essaye d'embrouiller un petit peu, quoi, que ça. Bah oui, en fait, on devait nous tester, voir si on arrive à écrire le truc, et après, tu donnes la réponse. Là, tu viens de la donner. Tu viens de nous donner. Les mecs, vous savez pas écrire appel, vous foutez de ma gueule ou quoi? Bah si, mais. Avant que tu fasses le truc. Vous êtes sérieux? Appelez, vous vouliez qu'on fasse un jeu pour savoir comment on écrit appel? Non, mais parce qu'il y ait plusieurs dans la phrase, il y ait plusieurs fois, il y ait sur plusieurs formes. Lis la phrase qu'on avait écrite. Lis la phrase. Et moi, je suis sûr qu'on en fait le truc, il y en a qui se plantent. Non, moi, je me serais pas plantée. Mais par contre, je sais pas quand est-ce que. Oh, la prétentieuse! Non, mais, par contre, il y a Loris qui me disait tout à l'heure qu'il y a une règle. Et moi, je connais pas. Il n'y a pas de règle. Alors, enfin, attends, Kerian. Moi, je l'écris avec deux L quand il faut et avec un L quand il faut. Kerian, tu m'écoutes? Oui. Si je te dis, je vous rappelle. Rappelle, tu mets deux LE ou pas? Oui. Kéguette? Oui. Oui, puisque c'est rappel. Donc c'est deux LE et c'est le verbe L. Et c'est le verbe rappeler. Je vous rappelle que j'ai un appel. Comment t'écris appel? J'ai un appel. Comment? Deux L, il a dit. Et toi, Pietre? Bah non. Non, c'est un appel. un appel. Un appel, c'est un seul L. Oui, mais tu mets ta règle avec Thierry parce qu'on en sent le, on entend le mot L. C'est pas le verbe là, c'est le nom. C'est pas le verbe, c'est le nom. C'est chiant. Un appel. Un appel, ça s'écrit toujours de la même façon, avec un L. Sauf si c'est des appels. Alors, mettez-moi un rappel. Comment t'écris rappel? R-A-D-P-E-L. Bing! Bien joué! Pour que. Alors, mettez-moi un rappel pour que j'appelle. J'appelle, comment tu l'écris? A-D-P-E-2-L-E. Très bien, pour que j'appelle. En fait, c'est le verbe et le nom. Pour que j'appelle à mon tour ou que je pense à appeler. Là, il y a un piège. Appeler. A-D-P-E-L-E-R. Joli, joli mon frère, tu sais. Voilà. Je sais ce que Mickaël est fier, il fait bravo. Il y a le verbe appeler. J'ai rien compris. Il y a le, bah, il y a le verbe. J'ai rien compris. Comment ça va embrouiller tous ces P, mais tous ces un L. Un appel. Il y a, c'est un, comment t'écris un appel, Mika? Moi je dis coup de tel, je dis pas appel. Non. Un appel, comment tu l'écris trop... Appel. Oui, un appel. A-P-P-E-L. Oui, c'est bon. Ouais. Oui, c'est bon. Et rappelez-moi. Rappelez-moi, comment t'écris rappelez-moi? Voilà. Rappeler. R A P E. Allez, bien déjà. Il y a deux P. Il y a deux P. Vas-y, continue. J'arrête les planches et les balais. Deux P, continue. R A P P E L L E R. Mais non, il y a qu'un L. Rappeler. Sinon, ça aurait fait rappeler. Non, mais c'est dur comme ça à visualiser. C'est plus simple quand on l'écrit. Kerianne. Mais c'est quoi ton histoire d'accent, Kerianne? Oui. Ça te fait quoi de te dire qu'à 10 ans en CM2 t'as un niveau plus élevé que les mecs qui bossent avec moi? Elle a pas compris, Julie. Ouais, Julie, elle a pas compris la règle. Je comprends pas ta règle d'accent ou de machin. Y'a pas d'accent. Quand il y a deux L, ça fait est. Ah bon? Rappel. Rappelez-moi. Y'a qu'un L. Oui, parce que c'est je vous rappelle, y'a deux L. Ok, ok. Tu vas pas dire rappeler. Non, mais quand t'entends le son L, y'a deux L. Quand t'entends pas le son L, y'a qu'un L. Ah d'accord. Sauf dans rappel. Je savais pas. Tu parles d'un accent. Mais non. C'est comme s'il y avait un accent. Oui, c'est un nom, c'est pas le verbe. Vous m'embrouillez, vous faites chier. Allez, vous savez quoi? Vous allez tous rentrer chez vous, c'est fini. Merci. Au revoir, Kerianne, à bientôt. Au revoir. Je crois que je n'aurais eu aucune patience pour être prof. C'est clair. Non, je crois pas. Moi? Ouais. Pas possible. Voici Mance Zemalo, qui bientôt viendra peut-être pour un petit jour. Oui, Mance Zemalo. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. Should have gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Pourquoi chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau? Car du mal je m'en fais aussi, j'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game, wish I could just let it be. Shouldn't left but I did it again, and now it all fires back in me. Je fuis ton regard, de peur qu'il soit trop tard. Que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je ne suis qu'un homme.

llena de blasé. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti como bailas así con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído, escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Bienvenue sur Énergie, venez nous voir en public, coyatenergie.com pour vous inscrire et allez voir sur Facebook nos photos et essayez de nous retrouver, allez voir un tour photos de classe. Vous verrez, il y a tout le monde, il y a toute l'équipe, il y a tous ceux que vous... il y a Julie, il y a Piette, il y a Guiguette, il y a Loris, il y a moi. Oui. Trouvez-nous et envoyez, dites-nous sur quoi, à quel endroit on est. Ouais. Mais cherchez bien, des fois c'est pas évident. Hein. On se ressemble la plupart. Toi peut-être pas, quoi que si, ouais. Si, si. Ouais, non, non. Non. Il y a ceux de notre classe qui vont être dégoûtés qu'on ressorte les vieilles photos d'ici. Ah oui, parce que sinon, il va y avoir contact avec des gens de votre classe encore? Oui, ouais, encore. Ouais. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai retrouvé mon amoureux, mais il me parle pas beaucoup. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Bah, je l'ai appelé pour qu'il passe à l'antenne et tout, il a pas voulu. Il t'a dit quoi? C'est quoi le motif? Rien. Il est genre, je suis pas dispo, machin et tout. Ah, pas envie? Genre fâché? Non, pas fâché, mais. Timide. Il t'aime pas, il aime pas l'émission. Timide. T'avais pas d'amis en fait? Non, Ouais. Il m'a envoyé des messages et tout. Ah, moi, je vois toute la photo. Là, j'ai la photo de moi. Ça fait bizarre d'en voir les photos de gamins. Ouais. C'est ouf quand même quand tu vois les photos. C'est vrai, il y avait la mode du rouge chez vous. Le look de l'époque. Ouais, ouais, enfin, ouais, la mode automnale. Après des coups dans la gueule. Sandy! Bonjour. Ça va, ma chérie? Oui, ça va et vous? Ouais, ça va super bien. J'ai dit que le super jeu, c'était un moment attendu de tout le monde et que ça allait cartonner. Et ma chérie, il faut que ça cartonne. Oui, j'espère. Je te le dis, mais direct de chez direct. Ta mère refuse, qui s'appelle Lou, qui a 42 ans, refuse que tu aies un petit copain. Je rappelle que tu en as 17. 17 petits copains? Non, 17 ans. Ta mère ne veut pas. Oui, voilà. Mais c'est quoi le motif? Parce qu'à un moment donné, ça va être très très dur de dire je ne veux pas. Oui, c'est vrai, mais je sais pas, elle attend que j'ai 18 ans, mais je sais que ça va être compliqué. Côté 18 ans, non, ça va venir tout seul. Ouais, normalement. Hein. Non, t'as qu'à attendre, tu vas voir, après 17, ça vient vite. Et il paraît que vous prenez la tête souvent parce que tu sèches les cours. Oui, mais c'est fini tout ça. Ah, tu sèches plus la les maturité. Cours. C'est bien, 17 ans là, je te crois. Ah oui, là, j'ai de la raison. Il paraît que ta mère est nerveuse et gueule beaucoup. Oui. D'accord. Et en gros, si t'as pas été en cours aujourd'hui, tu dis que t'étais avec un mec, elle devrait gueuler. Oui. Voici les 5 phrases à dire à ta mère. Je sais que tu vas gueuler, mais je suis pas allé en cours aujourd'hui. J'ai séché pour être avec mon mec. Il a 28 ans, il est venu me chercher en voiture, on est allé chez lui. Le plus important dans la vie, c'est le sexe, pas les cours. Oh. Et la dernière, je fais ce que je veux, tu vas pas me casser les couilles. Ça va être chaud. Je te laisse réviser interrogation avec ta mère dans 3 minutes, Sandy, d'accord? Après 21 Pilots. Bisous, ma chérie, ne bouge pas là. On va avoir Lou. C'est mignon, ça va, you. Lou. C'est 21 Pilots, les loups. J'aime bien, j'adore ce morceau. C'est une tuerie. On est sur énergie, début de semaine, on est là. J'espère que vous aussi, on se kiffe tous ensemble. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Ouais. Et lui, je vous jure, c'est une Ferrari. Mais dans une carrosserie de grand goût. Ouais, c'est vrai. Coé, 19h-22h, sur Énergie. Qu'est-ce que vous avez contre les grands goûts? Qu'est-ce que vous avez contre les grands goûts? Merci beaucoup. Ça va, le public? Ouais. Moi aussi, ça va bien. Bonne rentrée, tout le monde. Pour l'instant, nous avons Sandy. Sandy, détends-toi, ça va bien se passer. Super jeu. Qu'est-ce qu'elle peut gagner, Sandy, si elle est bonne, Julie? Une PS4, une Xbox One, des iPads. C'est toi qui choisis la marque. Il y a plein de choses. C'est bien, non? Oui. Bon. Maman, elle est du genre à s'énerver ou pas? Dis pas oui, parce qu'à chaque fois que vous dites ça, généralement, les parents, ils font. Bah, dis pas non, non. Elle dit je sais pas. Bah, je ne se prononce pas. Si, parce qu'elle a le sang chaud, surtout quand ça concerne tes enfants. Alors, redis-moi les 5 phrases. Vas-y, relis-moi, je vais te dire si c'est bon. D'accord. Je sais que tu vas gueuler, mais je ne suis pas allée en cours aujourd'hui. Mm-hmm. J'ai cessé pour être avec mon mec. Mm-hmm. Il a 28 ans, il est venu me chercher en voiture et on allait chez lui. Mm-hmm. Le plus important dans la vie, c'est le sexe, pas les corps. C'est dans la vie. Hein, c'est dans la vie, dans le vie, c'est pas pareil. Mm. Ah, dans la vie, pardon. C'est dire la même chose. Et je fais ce que je veux, tu vas pas me casser les couilles. On y va, c'est parti, on appelle maman. À la fin, je serai le copain. D'accord? D'accord. Elle va gueuler de ouf. Oui, allô, bonjour, c'est qui? Allô? Oui. Maman, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Maman, il faut que je te dise un truc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais que tu vas m'engueuler, mais je suis pas allée en cours aujourd'hui. Putain, Sandy, pourquoi t'es pas allée en cours ce matin? Tu m'as fait chier pour que je t'accompagne. Mais bon, j'ai cessé pour être avec mon mec. Tu te fous de ma gueule, là, Sandy? Franchement, tu te fous de ma gueule, là. Ce matin, tu me fais chier pour t'accompagner. Je me lève tôt, je t'emmène au boulot, là. Tu prends le bus et tu me parles de mec, là. À quoi tu joues, là? Je pouvais pas te le dire. Non, mais tu te fous de ma gueule, là. Franchement, tu réfléchis pas, tu es trop bête, hein. Franchement, tu commences à m'énerver, Sandy. Ça commence à bien faire. Il a 28 ans. Oh, putain de merde encore. Toi, tu veux que je te fasse la peau, là? Tu veux mourir avant? T'as envie que je te tue? Mais maman, Sandy, à quoi tu joues, là? Il a 28 ans en plus, il a 28 ans en plus, c'est quelqu'un qui est plus vieux que toi. Il a 28 ans. Tu vas foutre quoi avec quelqu'un qui a 28 ans? Hein? Mais il a une voiture, il est venu me chercher. J'en ai rien à foutre de voiture. Moi, j'ai une voiture, ton père a une voiture. Ton frère, il a une voiture. Tu passes le permis, on va t'acheter une voiture. Putain, qu'est-ce que j'en ai à foutre, il a une voiture. Je suis allée chez lui, hein. Non, mais Sandy, je vais te tuer, là. C'est ça, tu commences à bien faire. Là, ça commence à me gonfler. Je commence à en avoir ras-le-bol de toi. T'es bêtise, tu bêtises, j'en ai marre. D'accord? Non, faut pas me saouler là, j'en ai ras-le-bol, hein? Mais de toute façon, je vais arrêter l'école. Oh là, mais quoi? Toi, t'as envie de mourir, tu vas arrêter quoi? Tu te fous de ma gueule encore là, tu vas arrêter que l'école? Tu vas arrêter l'école pour aller faire quoi? Le plus important dans la vie, c'est le sexe, pas les cours. Là, t'es un imbécile à cause de bout de Bakary là, tu vas me faire chier là? Hein? Le sec de merde du tout, oui. Je fais ce que je veux, tu vas pas me casser les couilles, hein. Parce que tu as des couilles aussi? Parce que tu as des couilles maintenant? Ben viens à la maison, tu vas me trouver là. Si tu as des couilles là, tu vas me montrer si tu as des couilles maintenant. Tu vas venir à la maison. Là, je suis en tenue de sport là. Je vais te frapper aujourd'hui, tu vas voir. On va voir tes couilles là, je vais les pendre, je vais les mettre en brochette et je vais te plonger dans la piscine aussi. Non, mais tu te fous de ma gueule là. Mais le sexe est plus important que l'école. Moi, je vais te tuer. Tu es morte. Ce soir, c'est fini pour toi. Hein? Mais calme-toi. Non, je me calme pas. Je me calme pas. Franchement, comment ça me gonfle comme gamine? Je commence à en avoir ras-le-bol. Je vais te le passer, attends. Quoi? C'est qui ça? Ouais, allô? C'est qui? T'es en ligne avec qui, là? C'est qui parle derrière là? C'est quel connard qui parle derrière là? T'es en ligne avec qui? C'est copain. C'est ta mère? Allô? Oui, c'est ma mère. Chérie, tu lui as dit pour nous? Putain. Ah, elle est contente. Couillon, là, tu parles à ma fille là, toi? Elle est contente, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qui celui-là? C'est qui ça? Bon, je vais prendre le téléphone. Allô? Allô? Oui. Mais tu es qui toi? Et toi? Pourquoi tu me parles? Et toi, tu es qui? Qu'est-ce que tu fous avec ma fille? Mais je suis son copain et toi tu es. Tu te prends pour qui pour être son copain? Et toi, tu es qui? Déjà, je suis la mère de ma fille. Ah, bah oui, d'accord, normal t'as même la mère pas être avec ma fille. Faut pas te foutre de ma gueule. Non, mais en fait, je paye les études de ma fille, c'est pas pour aller traîner avec un cassos comme toi. Non, je suis pas. Mais c'est juste sexuel, hein, c'est pas. Je t'emmerde. Ah bon? D'accord? Mais non, mais parce que, en fait, je t'emmerde. On s'entend bien. Toi, on va te faire la peau déjà. Toi, il faut te dire aussi, t'es mort. T'es qui, toi? On va se faire. Mais parce qu'on fait. On est bien au lit ensemble, on est heureux. Mais toi, je t'emmerde. Ah bon? Je t'emmerde. Oh, vous avez l'air un peu coincé, madame, hein? Non, mais c'est toi qui as coincé du cul, va. Espèce de couillon, là. C'est toi qui as coincé. Mais non, je suis pas coincé. Avant de te balader avec ton Bakary partout, là, montrant aux petites filles, tu me dis, je suis coincé? Mais mon Bakary, va bien, enfin. J'emmerde ton Bakary et je t'emmerde aussi. Écoutez, j'ai un très beau Bakary, madame. Couillon, va. Mais j'ai un Bakary. Espèce de pédophile. Ah non, écoutez, j'ai que 27 ans, madame. Ouais, 27 ans. Elle en a 18, va. Quasiment. T'as enfin. Pas de ma fille, elle a quel âge? 18. 27 ans. T'es un pédophile. Mais pas du tout, madame. Espèce de vice-slave. Mais non, enfin. Ferme-la. Mais c'est pas moi. Je vais te faire la peau, là. T'es qui, toi? Non. Tu sors d'où? T'habites où? Demande ton adresse. Non, mais c'est mon Bakary qui décide. Moi, je suis là, je suis le Bakary. Ton Bakary, je l'emmerde. Je le fous en brochette. Ah bon? D'accord. Pourquoi? Tu sais, il m'a fait découvrir le sexe. Dans ton Bakary de merde. Oh, bon, enfin, tu dis ça parce que t'es énervé. C'est lui qui m'a fait tout découvrir. Oh, putain, toi, tu fermes ta grande gueule aussi, là. Non, toi, je vais te tuer, toi. Découvrir, non, Daniel, quoi, les tout. Quoi? T'es mort. Quoi? C'est qui ce couillon? Il t'a même découvrir. Je vais te découvrir la piscine. Tu sais comment ta maman a un âge, non? Je vais te noyer ce soir. Quoi? Toi, c'est fini. C'est qui ça? Quoi? C'est qui parle quoi derrière là? Quoi? C'est quoi ça? Quoi? J'ai encore des couillons, des cassos. Toi là, toi je vais te faire la peau là. Toi ma fille là, tu es morte aujourd'hui. Quoi? Tu rentres aujourd'hui à la maison, tes pieds là, il n'y a plus école pour toi. Tu vas rester à la maison aujourd'hui. Quoi? J'aime le sexe. Oh, arrête-toi. Hé, ta gueule. Toi, Sandy là, je te tue. Je vais t'allumer ce soir là. Tu vas t'allumer comme une arc-en-ciel. On va voir ta gueule. On va voir tes couilles là, je vais les pendre, je vais les mettre en brochette et je vais te plonger dans la piscine aussi. C'est quel connard qui me fait écouter ma voix? Il se fout de moi en plus. Quoi? Connard, va. Allô? Passe-moi ma fille là-bas. Agnès? Allô? C'est qui? Bonjour, je ne suis pas ton gendre. Putain! Je m'appelle, c'est qui, lui? Je m'appelle Koé. Koé de quoi? Koët? Koé, avec, oui. Avec mon Bakary. Et on est... Koé, j'en mets ton Bakary, tu me fais chier. Passe-moi ma fille. J'ai pas fini. Donc je m'appelle Koé. Et on est sur énergie. Koé de énergie, là? Quoi? C'est quoi de... Mais toi, tu veux me donner une crise cardiaque ou quoi? Et c'est une blague. Oh, putain de... Magnifique, maman. Ah là là, t'as raison, elle a son chaud. Hein. Quoi? Putain, vous donnez des crises cardiaques aux gens, là. Bah, non, mais je suis énervée, là. Franchement, c'est pas ce truc. Allô, vous avez été extraordinaire. Ah ouais, et si vous faites une brochette avec son Bakary, j'espère qu'on n'est pas trop à manger. Hein, parce que... Lou, vous avez été génial. Vraiment. Alors là, je savais pas qu'on disait le Bakary. Ah bah, et vous avez été génial. Voilà, je vous fais un gros bisou. Bon, par contre, bisou. Cindy, bon, au niveau du... Heureusement que ta maman était là. Hein. Au niveau de l'interprétation théâtrale, on en reparlera. Ah. Mais Lou, Sandy, tu vas choisir la console de ce que tu veux, de la console de jeu que tu choisis. Oui, il y a des tablettes, il y a plein de choses. Eh, maman, d'accord. Lou. Oui, monsieur Koé, là, tu m'as fait donner Chris Cadiata. Il faut me donner des conseils. Hein. Faut pas m'énerver, je vais aller voir Maître Gims. Et pourquoi? On s'en bat comme jamais. Mais pourquoi il me fait crier là? Vous me faites danser n'importe quoi. J'ai mal à la tête maintenant. Ah bon, il vient la semaine prochaine, Maître Gims, vous voulez lui passer un message? Ben venez nous voir. Oui, je veux. Vous êtes où? Vous habitez où? Oh là là, j'habite Tournoisy à Orléans. Ah oui, c'est loin. C'est loin. Mais sinon, vous avez un petit message. Vous avez un petit message à passer à Maître Gims? Oui, dites à Maître Gims, Loulou d'Orléans, 310 adore Maître Gims, toutes ses musiques et tout, j'adore, je suis fan. J'aimerais avoir tout son album. Découvrir, non, Daniel, quoi. Je vous fais des gros bisous. Allez, bisous l'équipe. Je vous embrasse. Franchement, vous me donnez une crise cardiaque. Mais non, je reviens sur cette belle, très belle phrase. On va voir tes couilles là, je vais les pendre, je vais les mettre en brochette et je vais te plonger dans la piscine aussi. A bientôt Lou, je te fais un gros bisou. À bientôt. Je t'embrasse. Quoi? Au revoir. Qu'est-ce qu'on écoute? Claudio Cateo. Ah, c'est bien ça, j'adore. Il sera notre invité mercredi là. Hein. Quoi? Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, prennent le temps, ne font que courir. Merci. C'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, ne pas. j'ai qu'une envie abandonnée. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte, ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Il est greffé au cou, hein. C'est comme ça. Dans un instant, DJ Hassan et Bombi seront nos invités. Restez avec nous sur Énergie, on est de retour et ça a mixé live dans le studio. A tout de suite, on revient. Une seule radio joue tous les hits. C'est Énergie. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam, celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc, pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Back to School 2016. Tous les hits de la rentrée réunis sur 3 CD avec en exclu Charlie Puth et Selena Gomez, Soprano, 21 Pilots, LP, David Guetta, Jennifer Lopez, Mom, Willy Williams, Zao et MHD, Calantis, Nash, Alvaro Soler, Kungs. La compil Énergie Back to School 2016 déjà dans les bacs. Leclerc. Ouais, vive la rentrée! 40% de réduction immédiate chez Leclerc! Enfin, Philippe, c'est quoi tout ce raffut? Ah, bah 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc et sur de nombreux produits. Des rentrées comme ça, moi j'adore! Ah, bah dis donc! Est-ce que quelqu'un aurait envie de quelque chose? Je vais faire un saut chez Leclerc! C'est parce qu'à la rentrée, on a encore envie de se faire plaisir que chez Leclerc, du 6 au 17 septembre, vous bénéficiez de 40% de réduction immédiate sur de nombreux produits. 20 modalités dans les magasins participants. Ah, c'est vrai que 40%! Voilà! Vive la rentrée chez Leclerc! Dans ce temps, chez Renault Service. Allô chérie ? Oui, ma voiture est en révision, elle est immobilisée. Bon, du coup, je pourrais pas venir chez tes parents. Ouais, je sais, c'est trop bête. Pipo, pipo. Pardon ? Bien essayé, le coût de la voiture immobilisée, mais chez Renault Service, le véhicule de remplacement est inclus dans la révision. Ah, super ! La révision de votre voiture ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Renault de moins de 6 ans. Voir conditions sur Renault.fr. Le jour où tout a basculé, du lundi au vendredi à 13h30 sur Chéri 25. Je voulais le tuer. Vous êtes planté ? Arrêtez, quoi ! J'ai été dénoncée par ma propre mère. Mais pourquoi tu m'as fait ça, hein ? Pourquoi ? Quand la fiction rejoint la réalité, le jour où tout a basculé, du lundi au vendredi à 13h30 sur Chéri 25. Leclerc. Hop, hop, hop, hop, hop,

Bretagne. S'installe chez Koei sur Énergie. Ça me fait plaisir. Comment ça va les deux? Vous êtes en forme? Impec. Ça va super bien. Ça me fait plaisir de vous voir les gars. Ça fait quand même un temps que j'ai pas vu ton beau visage. Mais oui, je sais. Ah, il a maigri, hein, il est beau là. Hein. J'ai même presque oublié mon français. Tu as dit beau visage, c'est bien, c'est revenu. Heureusement que mon frère Assad m'a appelé pour. Il m'a demandé de le joindre sur ce titre, ce magnifique titre. Mais c'est une tuerie, c'est une tuerie. On se le fera dans un instant. J'adore ce morceau. Et il est vraiment bien. Les autres étaient bien aussi, celui-là. Hey, mais celui-là, il est diffusé mais dans tous les camps de vacances, tu sais, dans partout, à chaque fois où tu vas. Les mariages. Et celui-là, c'est hier. Il les enchaîne dans les mariages. Mais son go derrière. Celui-là, t'aimais bien, celui-là. Juliette. Moi, je suis la première fan. Hein. Merci. Bon, en attendant. Non, ça me fait kiffer, mec. Moi aussi, plaisir partagé, frérot. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mon bite, t'étais où, toi? T'étais caché où? Entre la dernière fois et maintenant, je crois que j'ai fait le tour de la Terre au moins 3-4 fois. Mais il nous fait rêver. Non, mais en passant par Paris, mais seulement Charles de Gaulle. Hein. C'est parce que Koei ne m'a pas invité depuis. Hein. C'est justement pour ça. Non, honnêtement, sérieusement, j'ai encore un titre, à part celui-ci, qui est avec Assad. Il y a Infinity qui est en bonne route, en bonne voie. Mm-hmm. On casse la baraque avec. Et voilà, donc la vie continue. Et je suis très heureux de retrouver mes fans ici en France, parce que je sais qu'ils sont nombreux. Et nombreuses, surtout. Surtout. Ah, t'as vu tout de suite, il chauffe. Ouais, nombreuses, surtout. Et toi, Assad, cet été, tournée France, Portugal, Suisse, Corse, Espagne, et bientôt. Ah, tu vas te barrer dans l'océan Indien, là. Maurice, Réunion. Demain. Oh, waouh. Wow. Ouais. Il va vivre là-bas. Il nous quitte. Oh, wow. C'est vrai? Ouais, je fais 2 semaines là-bas, 2 semaines ici. Deux semaines à Maurice. Une femme à Maurice, une femme à Paris. J'espère qu'il y a quelque chose. Tu seras pas le seul. C'est clair. Mais c'est fort, ça. Ouais, c'est cool. Oh merde. Ouais. Ça va faire bizarre. On pourra faire une déloc chez Assad maintenant. Avec plaisir, il y a énergie en plus à Maurice maintenant. Mais voilà. Et on cherche des endroits où on peut se poser et dormir. Ça, c'est sur la route de Tahiti en plus, on est bien. Avec le public, bien sûr. Ah oui. Les mecs s'invitent, c'est vrai, oui. T'es sûr de toi vis-à-vis de la géographie? C'est sur la route de Tahiti. C'est par là, ça descend. Attends, nous on est là, Maurice c'est là. Je suis pas persuadé qu'il est. Non, Maurice c'est bien dans le sud. Je suis pas persuadé qu'il est dans la Réunion. À côté, ouais. Et ben alors, j'ai déjà vu une ligne qui passe par le pôle sud et qui refait le tour dans l'autre sens. Ça continue. Non, cherche pas, Piette. C'est dans un petit détour. Oublie. J'ai jamais eu un détour de 12 heures pour aller dans l'autre sens, ça n'existe pas. Ouais. Un détour à la verticale. Bon, moi, je serais passé par là, ça m'aurait pas gêné en tout cas. Bon, tant qu'elle est ronde, tu te retrouves. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais je crois pas que ça existe. Je crois vraiment pas. Bon, les gars, tiens, on va faire un bisou à Anto. Ça va, Anto? Ouais, bonjour Koei, bonjour. Salut, mon gars. Content de vous retrouver tous. Salut, ouais. Bonjour Didier Assad. Bonjour Anto, je tiens à te dire que je suis très déçu. Nous, on est tous en tenue de rentrée scolaire, mais alors les deux, là, rien. Ils sont en mode beau gosse. Vas-y, rien du tout. Ça interdit la casquette, ouais. Hein, la classe. Rien du tout. Bon, enfin, bon. Bon, vas-y, mon pote, pose ta question. Ouais, moi j'avais une question, c'était toute simple, c'était savoir qui c'est qui avait eu l'idée du clip. On en parlait juste avant, ouais, énorme. Exactement, on le regardait. Ouais. Écoute, il y a une quinzaine de personnes qui ont bossé dessus. L'idée du clip, ouais. C'est un brainstorming entre plusieurs protagonistes, notamment Adelio, ouais. qui est parmi nous, qui est le réalisateur du clip, et Black FX, qui sont une quinzaine qui ont bossé dessus pendant 2 mois. Donc c'est un truc énorme. Franchement, je suis super content. Et il est vachement beau ce clip. Il est étonnant et tout. Il est mignon, il est beau comme tout. Ouais, on voulait faire un truc différent. On en est marre de voir des nanas à la télé et tout ça. Qui font du R&B, qui bougeait, c'est ouais. Qui twerk, tout ça, on voulait faire un truc spécial original. Je veux dire que j'étais déçu quand même. Hein. Il est chaud. Il y a des nanas qui twerk. Non, oh merde. Oh, je te fais un bisou, Anto, je t'embrasse. Bisous, Anto. Ouais. À bientôt. Bisous, mon gars. Le temps passe, c'est vrai que le temps passe. Ça fait 7 saisons qu'on est là, 7e saison. Ça passe vite. Hein. C'est ouf. Hein. Je suis sûr qu'on ressort tous nos photos d'ici il y a quelques temps, on a tous pris un coup. Attends, ça va, t'as rajeuni là. Ouais, enfin nous on a vu des photos il n'y a pas longtemps. Alors pour la peine, on va jouer avec l'âge des gens de l'équipe. Ouais. Écoute-moi bien, tu vas devoir trouver les âges des gens de cette équipe. Vous avez droit à une année de différence. Oh. Une année de marge. Et sinon, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Non, rien. Tu voulais dire plus? Non. Non, une année c'est déjà bien. Si jamais ils ont le bon âge, qu'est-ce qu'ils gagnent? Qui gagne quoi? Bah rien. quoi, il n'y a rien à gagner. Non, tu peux manger une part de gâteau. Ah bah mais voilà, s'il se trompe, il se la prend dans la tête. La personne en question. La personne en question. La personne en question de qui doit retrouver l'âge. Ah. Heureusement que Julie, c'est pour ça que je voulais rien. 5 minutes avant, vient me voir et me dit, il propose un truc où on se prend un bout de gâteau dans la gueule. On fait pas ce jeu. On fait pas ce jeu parce que j'en ai marre. Hein. Ils ont toujours les mêmes idées. On prend des trucs dans la gueule. Hein. Mais ouais. C'est pour ça qu'à chaque fois on passe par Julie, mais on passe aussi par toi parce qu'on sait très bien qu'est-ce qu'elle va nous dire non et que toi tu vas le dire oui à l'arrivée. Ouais. Un joli fraisier. Donnez-moi l'âge à un an près de Guéguette. Ah, c'est dur. Hein. Ouf. Pouvez-vous concerter à deux, les moi, gars. Alors, pouvez, moi je dis c'est les amours ou quoi. J'ai 28. Ah, c'est ah t'es bien à un an près. Dis combien. J'ai 29. Bravo Guéguette. Hey, merci. Je vais merci mon gâteau. Bravo. Bravo mon Guéguette. C'est bien. On joue ouais. Merci, pour merci. Pietre. Ah, c'est pour moi les gâteaux. Ah, okay. Je t'en prêterai. Pietre. Voilà. C'est bien. Ça ne tâche pas du tout en plus. Bon ouais. Pietre il est. C'est il le est papa. Très âgé quand même. Il est très âgé. C'est le prof. C'est ça. Alors. De géographie. J'ai faim en plus. Quel âge. Je sais pas. Je dirais. J'aide pas. Hein. Moi, allez, 44. Ouais, 44. Oh, les gars! Oh, Guéguette, tu t'occupes de lui. Quel âge? 42. Oh, c'est juste le bout du visage. C'est juste le bout du visage. Pas plus, regardez. Bam, comme il a un grand nez, il en a mangé dedans pendant 8 jours. Ah, ça colle bien. Quel est l'âge de Loris ici présent? Faut tout manger, hein. Loris. Loris, il est jeune. Il a 12 ans. Eh, triche pas, Loris. Si, si, il dit ça. Il a 20 ans. 21 ans. Combien? 22. Oh bien joué, t'as ton gâteau. Et Stouff, viens ici. Ah, il a 23. Pardon, j'ai 22. Ah bon, t'es sûr? Stouff, viens ici. Vas-y. Alors, Stouff, on joue pour le gâteau de Stouff. Quel âge a Stouff? Qui est Stouff? C'est notre standardiste, c'est notre nouvelle star. Elle est cachée derrière, c'est ça? Mais c'est toi, Stouff. Ah bah, mais oui. Qui est Stouff? Il la connaît depuis 12 ans. Quel âge? Pas 35 ans. Combien tu dis? Mettez-vous d'accord. Non, tu dis 39 ans. 39 ans. L'âge définitif, vous dites combien? Retrouvaille, 39 ans. C'est quel âge? Je suis méchant. In the face. C'est des retrouvailles. Ah, oh, c'est un fraisier face. Voilà. Et attention les gars, bon. Alors, et là on déconne pas, on joue pour moi. Quel âge? Allez les gars. Bah oui, bah, allez-y hein. Vas-y, moi je dirais 92. Quel âge? 92 i. À l'envers, tu sais. Regarde, il remonte sa faillite et il essaie de tricher. Quel âge? Allez, tu as pas un jour de plus que 49 et demi. Oh non, Je peux pas savoir. Allez, dans la gueule. Attends, ça fait plaisir. Attends, il faut que je. Allez, 46, allez, moi, je dis 42. Allez, combien t'as dit 49, j'en ai 29. C'est ridicule. C'est allez, ridicule. Sur Snapchat. Ah, c'était un 2. Allez, vas-y, allez, j'ai pas été allé. Un 2. J'en ai eu dans les trous de nez. Ah, sa mère, j'en ai eu dans les trous de nez. Tu vois, l'air de rien, t'as eu le droit de manger ta tarte. Ah, c'est horrible. On c'est la première depuis un an. On dirait une soirée qui se passe mal. Ah, la mauvaise période. Si on faisait le live. Ah, pour une fois. Ça vous branche ou pas? Pour une fois, c'est pas toi qui manges. C'est moi ou je saigne bizarre? T'as les yeux tout rouges. Vous faites le live ou pas? Absolument, c'est le live avec Dalvin. Je te jure, mais putain, mais j'essaie de être professionnel. Je viens avec une chemise propre et blanche. Regarde le dénoeur. Et moi, je l'ai quand même mangé. On n'a pas gâché. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'était dans ton nez, t'as récupéré ou pas? Ouais, bah voilà, si t'en cherches, j'en ai encore dans mon nez aussi. N'hésite pas, s'il y en a dans le public, vous avez une petite faim, j'ai du fraisier dans le fond de mon nez. On éternue et on donne à manger à tout le public. Comment s'appelle ce jeune homme qui va nous faire la partie rap? Dalvin. C'est Dalvin. Ça va, gars? En forme? Super. Bien, attention, c'est le gars qui a la grosse voix dedans à un moment donné. Tu fais ça comme ça. Faites du bruit, Mombi DJ Assad sur Energy. DJ Assad, Dalvin. C'était mieux avant. Beaucoup de choses ont changé. Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour avoir 20 ans? Pas repenser au passé. C'est vrai, bientôt 30 ans, le futur te met la pression. T'as beau faire le ouf, mais ton corps ne suit plus à. On a vécu des belles années dans la musique. Oui, ça passe vite. Oui, ça passe vite. Plus le temps passe. Les souvenirs reviennent, plus le temps passe, plus qu'il n'en faut plus. Let's go. Time is like a counting down, can't do nothing about it. Today gonna be tomorrow, don't you worry no more. Take a time to look around, as people care about you. Tomorrow gonna be alright, so don't you worry no. I wanna live my life, I don't wanna wait no more. Show me some paradise, I just wanna see some more. Is there a place for people who wanna be free? You looking for me, I'm gonna be there, I go. Ce soir chez Koé, Energy, DJ Assad, Alvin, Mambi. Passe, mes souvenirs reviennent. Passe, passe, plus qu'il n'en faut, plus le temps passe. Passe, mes souvenirs reviennent. Et le temps passe, passe, plus qu'il n'en faut. Les amis, revenez avec nous. Moi, j'adore ce morceau, c'est une vraie tuerie, j'adore ça. Et là, passe, passe, plus qu'il n'en faut. C'est trop bon, c'est trop bon. J'ai essayé de venir avec mon gâteau, mais je me suis dit, est-ce que je dérange le DJ? Ah, il a pas joué. Est-ce que je dérange? Est-ce que je mets? T'as failli en mettre dans les platines, en fait. Ouais, c'est ça. Au dernier moment, j'ai vu mon pote d'énergie qui a commencé à avoir une goutte. Il m'a dit, oh non, ils vont pas me faire les platines aussi. Non. Et t'en as pas dans le nez du gâteau, ça pue. Si. J'ai une odeur de fraisier depuis tout à l'heure. Non, c'est la chantilly, ça pue. C'est un nouveau régime. Tu le manges pas, tu te le colles dans le nez. Ça, t'as l'impression que tu sens ça, mais tu ne le manges jamais. Question de Fanny. Salut, ma chérie. Salut Koé, salut Didier Abad, salut Mombi. Salut Fanny. T'es en forme ma Fanny? Salut. Oui, ça va. Où est-ce que t'habites? J'habite à Biarritz. À Biarritz, vas-y ma belle. Il était beau le petit Assad en bébé. Oh, la photo enfant. Regardez la photo enfant. C'est mignon, hein, comme ça. T'as changé, hein? Bah heureusement en même temps Julie s'il avait... années, là, ouais. Bah non Guéguette il a pas changé hein. Ah bah oui mais enfin ouais, mais ça fait bizarre Guéguette chez Guéguette. C'est toujours un enfant. C'est toujours une tête d'enfant en fait. Comment tes oreilles ont pu se décoller plus? Non elles sont recollées. Ah tu les as recollées? Mais non elles se sont recollées en grandissant. Mais elles étaient super décollées quand j'étais. Ouais petit. J'ai vu le dos oreille. C'était pour mieux entendre au fond de la classe. Bien sûr. Allez on y va. Pose ta question Fanny. Alors moi ma question c'était, ta chanson s'appelle Le Temps Passe. Et le temps passe. Si vous deux étiez bons élèves ou si vous étiez des mauvais élèves? Moi je vais laisser mourir la réponse. Bah, le fait que je n'ai pas de photo de classe veut beaucoup dire. T'es pas allé. Ce sont pas là que je suis pas allé. Non, moi j'étais au fait un bavard, très turbulent, mais quand il s'agissait d'avoir des bonnes notes, j'étais au rendez-vous. Oh, frimeur. Non, c'est vrai. Et entre temps, je faisais twerker les filles. Ouais. les profs. T'étais en cours où, toi, à quelle école? Moi j'ai fait l'école d'abord au Congo. Ouais. En RDC, après je suis allé en Suède, le pays de ma mère, où j'ai fait aussi des études là-bas. Et bon voilà, ça s'est arrêté là. Après je suis allé aux États-Unis faire la musique, comme tout grand rêveur. Assad ou l'école Ouais, de quel endroit J'ai fait moitié Maurice, moitié France. Ouais. Mes plus belles années, ouais, c'est les, ouais, la, Maurice. Ah bah, Maurice, quand tu sors de l'école et qu'il doit être quoi, 17h, tu dis tiens, ouais, si on fait quoi si on Non, la bande terminée à 15h. C'était cool, franchement. Non, j'étais très turbulent, ouais, j'étais pas. Ouais, j'essayais. Moi, j'étais tout le temps dans la moyenne, hein, 10, 10. C'est ça. 9,99, 10. Ouais, pas d'efforts supplémentaires. Juste pour passer, c'est ça, non, voilà, le minimum. Le problème, c'est que si tu fais des efforts et que tu montes à 11, deux fois, tu redescends à 10, ils te font tout chien en disant alors, tu avais réussi à remonter, que s'est-il passé? Alors que quand t'es à 10 tout le temps, il faut on se maintient. Quoi. Il est constant. Ouais, les mecs, ils dépriment, ils font bon, il ira pas plus haut. On en fera pas un cosmonaute. C'est l'Étienne de notre. Oh merde, j'ai mon. Ah, dis-nous. C'est tes bulletins. C'est ton bulletin? Mes bulletins scolaires. Oh waouh. Alors? Vas-y, dis. Vous voulez que je vous lise? Ah bah oui, oui. Orthographe 15. Boum. Grammaire 16. Mais quelle classe déjà? Rédaction 13, 6e. Ouais. Bon élève, élève très dynamique. Histoire géo 19. Bon travail. Wow. Maths 14. Allez. Sciences physiques, machin, 14,5. Bien, continue. Sciences physiques, biologie 14,5. Sciences physiques 16,5. Bam. Voilà. Allemand 15 à l'oral, 14 à l'écrit. Waouh. C'est où ça? C'était moi à l'école. Mais ils n'étaient pas aussi généreux pour moi. Hein. 15. Je constate, c'est comme au Congo, ça s'achète. Hein. Éducation artistique, musique, 13. Art plastique, 19. Wow. Éducation physique, 13. Mais t'avais que des bonnes notes. Ouais, et la moyenne, il y a la moyenne ou pas? Bah, tu l'as. Attends, 6ème, c'est dur. 6ème. Mais Koé, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait redoublé, là. Il avait redoublé. C'était sa deuxième année. À quel moment ça a merdé, alors? Non, j'ai pas redoublé, putain. Hé, regardez, je prends un truc du deuxième trimestre. Français, 14, 18. Putain. Non, c'est l'histoire. Ouais, c'est l'histoire 14-18. Ouais, mais. C'est ma fan, les gars. Je suis fier. A bientôt, ma Fanny. Je t'embrasse fort. Bisous, Fanny. À bientôt. Bisous. Bisous, bisous. Je t'embrasse. Bisous, bon, bisous. C'est quoi la suite du Jassad? Alors, à part les allers-retours, je te fais 15 jours au soleil, 15 jours à Paris. Ben, je prépare pas mal de choses, là. Je suis en train de bosser avec mon bi. Avec Dalvin aussi, on prépare pas mal de choses. Mais vous bossez sur le snorkeling, des trucs comme ça? Sur le masque d'Hécatlon, là, il a l'air bien. Les gens vont griller du poisson. On verra après. Non, j'ai une petite exclue. Je discute beaucoup en ce moment avec Maître Gims, donc on est en train de préparer un truc. Super. Ah, c'est bien ça, on le reçoit la semaine prochaine, nous. Très bien, si tu veux qu'on passe un message, tu nous le dis, s'il est trop cher, tu nous dis. Tu veux qu'on fasse quelque chose. Bon, vous allez me dire si c'est trop court ou si c'est trop long avant qu'on se fasse un bisou, puisque le temps passe. Si par exemple, DJ Assad, non, tiens, par exemple, mon bi, je te dis les vacances, c'est trop court ou c'est trop long? C'est trop court. Trop court, ouais, t'étais où, pour t'étais tout où monde, en vacances ça. T'étais où? Moi j'ai pas encore eu de vacances. Ouais, c'est ça, c'est maintenant les vacances pour nous. Ah ouais, c'est maintenant. Vous êtes en autorité et tout. Ouais, à fond. Maintenant on profite. Assad, voilà. Rester 5 minutes coincé dans l'ascenseur avec Julie, c'est trop long ou c'est trop court? C'est jamais trop long avec Julie. Ah. Allez, mais sois honnête. C'est mignon. 3 minutes d'un titre de Colonel Rayel, c'est trop long ou c'est trop court? Je sais pas s'il connaît. Tu connais Colonel Rayel? Oui. Ça me dit, 3 minutes. Ouais, c'est trop long ou c'est trop court? 3 minutes de chanson, je crois que c'est. Allez, il faut dire oui ou non. C'est pas trop court. C'est pas trop court. C'est gentil. C'est gentil. Un rêve érotique, Assad, c'est trop court ou c'est trop long? C'est trop long. C'est mieux quand c'est. Mais moi, c'est toujours trop court, les rêves érotiques. Ah, c'est oui. Un moment où ça, ça devient chaud. Que... Je veux pas rêver, moi. Faire je vis mon rêve. Faire l'amour pendant 10 minutes, mon bi, c'est trop court ou c'est trop long? L'amour n'est jamais trop court. Trop long? Trop court. Si, ça peut être trop court. Si, ça peut être trop court. C'est 3 minutes, ça peut être trop 10 court. 10 minutes, c'est court ou long? Ah, mais arrêtez, je vais faire un complexe. Rester sur les toilettes pendant plus d'un quart d'heure, c'est trop court ou c'est trop long? C'est trop long. Bah, c'est vrai. C'est vrai qu'on se fait vite chier. Bon, je vais vous faire un bisou, on s'arrête là. Bah oui. Mais avant, évidemment, tu. Bon, Bi, qu'est-ce qu'il y a? Encore une minute? On a une minute. Ouais. Eh bien, ça tombe bien, parce que mon Bi, tu rejoins le cercle très, très, très privé de ce que l'on appelle, et ça, crois-moi que très peu de gens font partie de ça, c'est le cercle des bugs de l'émission que nous appelons entre nous le bug du live. Ça arrive de temps en temps. On les a les autres ou pas? Oui, ils sont là. Alors, écoute bien, donc jusque-là. Un best-of. Jusque-là, il y avait les bugs de Sopra. Vous aussi, vous êtes là pour faire la fête à la noix. La fête à la noix. Hein, il avait voulu dire faites la fête avec nous ce soir, c'est devenu la fête à la noix. Vous aussi, vous êtes là pour faire la fête à la noix. De vie de tempo, je passe et sans plaisir. Il y a un mot. Nos regards ne sont plus les mêmes. Ton mon amour. Il revient cette semaine. Eh bien, nous avons maintenant notre petit Wombi qui a rejoint le club. Ah, qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas entendu. Je passe gaffe. T'as pour faire le ouf, mais ton camp ne suit plus à. Rêvez-moi. Alors, on va se le remettre, on se le remet. Allez, allez. Pour faire le ouf, mais ton camp ne suit plus à. Tu des belles années dans la musique. Bienvenue au club, bienvenue. Ce club qui reçoit des nouvelles stars à chaque fois. C'est ça, ouais. Bisous les deux, je vous embrasse. Faites beaucoup de bruit pour ceux qui étaient nos invités. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Il y a un truc que j'ai oublié? Oui, il y a Seb qui sera à la plage tous les 15 jours, c'est non, ça non, non. Ah non, je dis n'importe quoi. C'est vacances. Merci Julie, t'as bien fait de l'ouvrir. Parce que moi aussi, je suis à la plage tous les étés, mais bon, la plage à Bordeaux. La boîte, j'ai oui. toujours allumé le micro. Le micro. La plage à Bordeaux, qu'est-ce que j'ai voilà, le premier samedi de chaque mois. Ah, pardon. À la plage, à Bordeaux. En même temps que le film de boule sur Canal. Voilà, c'est une tuerie. Voilà, gros bisous à eux, franchement, ça fait plaisir. Moi, j'y vais tout le temps à chaque fois mixer là-bas, ça, c'est un truc de fou. Fais un bisou à Patrick s'il nous écoute. Voilà. Bisous, mon Hassan, bisous, mon Ambi, bisous tout le monde, bisous. Merci. Allez voir le clip si vous ne l'avez pas vu. Il est vraiment, vraiment bien. Voici Fib sur Énergie, j'espère que tout va de votre côté. Bonne rentrée. Nous, on est là et on n'a pas fini. On jusqu'à 22h. Soprano va donc revenir cette semaine. Oui. À mon avis, il est en révision de ses textes. Oui, voilà, je pense aussi. Soprano, si tu m'écoutes, révision, puisque interrogation vendredi soir. Ah oui, obligé. Je compte sur toi, t'as intérêt à pas te rater cette fois-ci. Hein. Ouais, t'as l'oral, ça t'a intérêt à avoir la moyenne. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Sur la rentrée scolaire d'ailleurs. Bon courage chez vous. Vous avez passé une journée de merde, ça a été compliqué. On est là tous les soirs, 19h-22h. Je m'appelle Koé, c'est là que ça se passe. C'est sur Énergie, vous allez mater nos vidéos. J'ai vu la vidéo de Mika qui casse la barre. Oui. Elle était celle qui a démarré le plus fort. Oui, et qui cartonne. Vrai. Allez voir celle où on est en Pikachu dans la rue aussi. Allez mater tout ça, on a 2-3 autres conneries qui arrivent. On revient. Vous serez les

et le public applaudit trop tôt à chaque fois sur le Koé. Je pense que les gens n'entendent pas du tout qu'ils présentent cette émission. C'est après qu'il faut faire applaudir les gens. Sur le, après le Koé, tu fais applaudir pendant. Oh. Les gens, ils écoutent, ils disent c'est qui le c'est mec. L'émission c'est l'émission de. C'est l'émission. Ah ouais, t'écoutes quoi comme émission? J'écoute le mec qui fait. Ah ouais. Ça mérite un tribunal. Hein. Ouais, ça mérite un tribunal à notre stagiaire au t-shirt en marbre. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Tybolt. Tybolt. Dans un instant, on aura Anthony, 21 ans. Ça va, Anthony? Salut, Koé. Salut, mon gars. Tu nous parleras de ta rentrée, problème de thunes. On verra ça dans un instant, d'accord? Ok. Ne bouge surtout pas, mais avant tout cela, Pietre, t'étais bon à l'école? Non, turbulent, ouais, mais bon, non. Turbulent. T'as dû en faire des conneries. Ouais, j'ai fait pas mal de conneries. Turbulent au lycée? Les deux, mais je crois que le pire, c'était au collège. Il y a la directrice, elle avait le numéro de ma mère en mémoire sur son téléphone. Mauvais signe. Ouais. Et en primaire? En primaire, ouais, c'était pareil. Ouais. Et en maternelle? Non, je sais plus. En maternelle, je faisais des bisous et tout, machin. Ouais, je faisais des bisous. Vérifions. Allô? Quoi? Allô, bonjour. Allô? Bonjour jeune homme, quel est votre prénom? Greg. Bonjour Greg. Ami de Pietre depuis combien de temps? Bah depuis c'est qui? C'est quoi? Non mais lui il a du dos, hein, c'est pas bon ça. Alors comment? Ah là là, tu as pas mal de vous êtes malade. Comment était Pietre à la petite école? Ah bah la petite école, je pense qu'il était à peu près normal, un enfant gentil, sage. Bon voilà, allez, maintenant la vraie version. Maintenant la vraie version. Bah non, on faisait quelques conneries, mais rien de bien dans la cour. C'est quoi. Pas en primaire, t'es pas en je primaire. Veux des exemples les amis. Non, je ça veux c'est un peu durci. Ouais, après, première classe de neige, tu vois, là, c'était un peu plus engagé. Qu'est-ce qu'il y a eu en classe de neige? Je sais pas, Jean-Pierre, c'était plusieurs amoureuses, enfin voilà. Ça n'a pas changé. Excuse-moi, tu peux pas passer chez nous dans l'émission pour dire que c'était sympa. Il a plein de trucs en plus. Tu peux pas me dire que c'était sympa, il avait plusieurs amoureuses. Excuse-moi, tu me sors un putain de dos qui va le suivre pendant un bout de temps. Le dos collège. Collège, si vous voulez. Donc un peu plus tard, parce qu'après, bon, j'ai un peu mon cerveau des fois c'est un peu gruyère. Mais collège, un truc inoubliable. J'ai pu sortie de conseil de classe et on était avec Renson, un autre pote à nous et Renson. Tous les trois. Et puis là, nous prend l'envie suite à une petite déception, je pense, de conseil de classe, de faire pipi dans la boîte aux lettres du collège. On sort nos outils et puis on y va. Bon, moi j'ai eu de la chance, sans doute qu'il est plus petit que les autres. J'ai eu le temps de le ranger plus vite que les autres et de me barrer. Mais le problème, mais les deux autres ils se sont fait choper. Non, quoi. Tu t'es fait attraper. Mais non, mais le problème en fait, c'est que l'autre d'une boîte aux lettres, le fond, il est, tu sais, il y a des trous dedans, il est ouvert. Et t'avais la maison du gardien qui était de l'autre juste de l'autre côté de la toilette et ça coulait de l'autre côté. T'as pissé dans la boîte aux lettres du coup. On s'est fait attraper comme des malpropres. Je crois que c'est la pire, celle-là. Ah ouais. Vous avez eu quoi du coup? Et en fait, on a eu des journées d'exclusion. Et en fait, comme ils voulaient pas que je reste chez moi à faire des conneries, on avait eu deux jours d'exclusion. Ouais, et ils nous avaient un jour à la cantine et le deuxième jour à tondre la pelouse. Mais tu me donnes moi une tondeuse autotractée. Et tu sais, il y avait dans le collège, les pelouses, elles étaient pas très droites. Quoi. Il y avait tout le monde qui nous matait. Donc on prenait la tondeuse, on sifflait pour que tout le monde nous mate et on jetait la tondeuse dans le truc et elle allait se ruiner. Mais qui surenchérait par une connerie. Quoi. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur mon fils vient de faire sa rentrée dans ce collège-là aujourd'hui. Hein, tu lui diras, ne fais pas comme papa, ne pisse pas dans la boîte aux lettres. Oh merde. Non, mais ça, il y a des histoires qui s'est. Putain, j'espère qu'il est. Il a fini, j'espère qu'il vous écoute pas. Non, je déconne. Ton fils? Non, pas trop tard. S'il écoute, c'est mort. Je te fais un gros bisou. T'embrasse Greg. Règle numéro 1, il est donc strictement interdit d'aller pisser dans la boîte aux lettres. T'imagines avec le zizi qui sort, mais c'est pas moi. En flash, c'est pas moi. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. beso. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Wesh, écoute Coé sur Énergie, frère. Sur les autres radios, c'est tout pété. Ils sont morts dans le film. Mais c'est de la merde. Coé, 19h-22h sur Énergie. C'est là que ça se passe. Laissez-les courir. Zao viendra dans quelques jours faire le titre en live ici. Si vous êtes fan, vous allez kiffer. Ça va, Anthony? Ça va, Coé? Ouais, ça va, mon gars, t'es en forme? Ça va, ça va. Bon, Anthony, 21 ans, tu rentres en quoi? En BTS. En BTS quoi? Bon, allez, en CP, j'aurais flippé. En BTS quoi? NRC. NRC, qu'est-ce que c'est que ça? Négociation relation client. Ah, pas, je suis NRC aujourd'hui. Négociation relation client, un truc commercial quoi? Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, monsieur le commercial relation client? Et bien en fait, le jour de ma rentrée, j'ai appris que je devais payer 215 euros d'assurance obligatoire. Combien? 90 euros de... 215 euros. Ah, j'ai compris. Assurance 815. Quoi? Assurance scolaire? Assurance scolaire étudiante. C'est si 90 cher euros de livres. Et je peux pas me le permettre du tout en fait. Ah oui, mais enfin, c'est... Et tu t'es pas renseigné avant? Je me lève. Comment? Tu t'es pas renseigné avant? Bah non, je savais pas du tout. Qu'il fallait acheter des livres. Et je m'étais renseigné et tout. Et tu savais pas qu'il fallait acheter des livres? Si, si, bien sûr, mais je veux dire, l'assurance, j'étais pas au courant du tout en fait pour l'assurance. Ouais, mais t'as toujours des faux frais ouais. comme ça qui arrivent dans une ouais. école. Enfin, t'as toujours un truc. C'est abusé, 215 euros, c'est énorme. Moi, j'ai jamais eu de livres payants dans ma scolarité. C'est pour un an en plus. Toujours ouais. été gratuit. Ah bon? Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai jamais payé. Parce que tu fais une école privée? Plaisanté ou quoi? Ah non, c'est public. Bah, Piet, t'as pas acheté tes bouquins. Quand tu vas au lycée, on te les donne au début, on te les reprend non, à la fin. Tu vas chez Gilbert Jeune et t'achètes tes bouquins. C'est pas Gilbert, parce que j'ai Gilbert. Gilbert Jeune, c'est le voisin. C'est le petit. Il y a Gilbert vieux et Gilbert, c'est le fils, il est jeune. Gilbert. Ah, Gilbert. J'ai Gilbert Jeune. Ah, j'ai toujours dit Gilbert. C'est à côté de la FNOUC. C'est connu la FNOUC. J'ai toujours dit Gilbert. Bah, t'as toujours dit Gilbert. Voilà, désolé. Merde. Oh, Gilbert. Ah, j'ai toujours dit Gilbert. Non, mais moi, dans mon lycée, le donner au début, je devais les reprendre à la fin. Ouais, moi aussi. Ouais, ouais, petit, peut-être. Ouais. Bah ouais. Enfin, j'ai jamais. Qui a déjà acheté ces bouquins dans le public? Qui a... à qui on les donnait en début d'année, on les reprenait à la fin? Ouais, bah tout le monde quasiment. Ouais, ouais, c'est... dans le public, ouais, c'est après dans les études après. Ah, que, moi, je les ai. Bon, mais alors, comment il peut faire? Eh, dis donc, tu voudrais pas bosser un peu parce que tu t'acceptes un petit boulot? Je bosse à côté. Bah, tu fais quoi? Et je suis serveur en extra chez un traiteur. Et je gagne pas assez pour me le payer, quoi. Tu gagnes pas, combien tu par pas mois? Pas assez pour te payer 215 bah, euros. Ça dépend, c'est. Il fait score quand même, ça dépend des mois. Bah, en moyenne, c'est combien? En moyenne, c'est 300 euros maximum. Et l'assurance, tu peux pas la payer en plusieurs attends, fois? Attends, pour combien d'heures? Non. Pour combien d'heures? Ça dépend, c'est 200. 30 heures, ça dépend. 30 heures, 300 euros. Il va peut-être falloir rediscuter un peu avec lui là. Oh, oui, il déclare parce pas. Que, hein. Parce que même du babysitting, c'est payé plus cher, je pense. Hein. Oui. Ça fait 10 euros de l'heure, c'est ça? 10 euros de l'heure. Je suis à 9 euros, je suis au SMIC. Mais il a plus que ça, le SMIC. Moi, je suis à 9,81. Il n'est pas à 12, 13, un truc comme moi, ça. Moi, j'ai halluciné la dernière fois. J'ai halluciné. Alors, attention, on est à Paris, hein, on est dans des grandes villes. Des prix des cours du soir et du babysitting. Ah, quoi. Bah, babysitting, je c'est vous l'ai dit. C'est pas 8 euros. Hein. Ça, les prix, ils montent vachement. C'est un truc de malade. Hein. Il est sérieux, là. On a eu une discussion l'année dernière où je te dis que le babysitting, c'était donc. 10 euros de l'heure. Mais jamais de la vie. C'est pas ça, le babysitting. C'est 5 euros de l'heure. Les cours du soir, les cours du soir, si vous vous mettez bien, il y a des tas de parents qui seraient prêts à payer un peu plus cher que d'habitude. Les profs, ils font 30 euros de l'heure pour les cours du soir. Ouais, mais bon. Ouais. Les profs, après les étudiants, t'es à 15 normalement. C'est non, 15 euros de l'heure. Et après les bons à rien, c'est 10. Mais ils apprennent rien parce qu'ils sont bons à rien. Tu le vois, c'est un test. Tu rentres dans la chambre de ton fils, le mec il lit le bouquin de maths à l'envers. Ouais. Mais il est moins cher. Mais il est à 9 euros. Mais bon, le problème c'est que. Bon, mais c'est... alors pourquoi tu fais pas ça plutôt? Du babysitting ou des cours? Ouais, parce que ton traiteur, arrête, tu vas t'épuiser et il te paye vraiment pas cher. Bah, ouais. Ça fait un an et demi que je travaille avec eux. D'accord, mais tu veux pas essayer le babysitting ou les machins et trucs comme ça? Non, et puis à mon avis, le babysitting, c'est les filles, c'est pas les mecs. Ça dépend. Oh, à mon avis, l'école, ton assurance, je veux dire, tu dois pouvoir la payer mensuellement. Plusieurs fois, oui, t'as raison. À mon avis, maintenant, tous payent mensuellement. Je vois pas pourquoi ton école, tu pourrais, ton assurance, tu pourrais pas. Ils font un prélèvement tous les mois. Sur 10 mois, ça te fait 20 balles par mois. Et au pire, sinon, le prêt étudiant. Il y a des prêts étudiants. Il n'est pas obligé pas pour 200 euros d'assurance. Et pour, ça, pour son année, tu vois ce que je veux dire, pour qu'il soit un peu à l'aise. Il n'est pas obligé de prendre un prêt étudiant à 10 000 euros non plus. Il y a différentes. Mais la meilleure solution, c'est la sienne. Il se fait prélever tous les mois. Ça lui fait 20 euros par mois sur ses 300 euros. Mais sur une assurance, je ne suis pas sûr que ça se fasse. Ah, mais c'est sûr, bien que, sûr si. Que si. Toutes les assurances, c'est mensualisé. Je l'ai payé mensuellement, mon assurance. En théorie, c'est comme ça. Ou alors, tu changes d'assurance et tu dis je vais prendre une assurance qui va accepter. Tu n'es jamais obligé de prendre une assurance. Hein. T'es jamais obligé de prendre celle qui te donne. Si... Il nous impose deux assurances. Non, si t'en as une, si je dis pas de conneries, si t'en as une à toi ou si t'es l'assurance de tes parents, je crois qu'ils peuvent faire une extension. T'es pas obligé de prendre plein pot une assurance. Je me suis renseigné par rapport à ça et non, ça fonctionne pas. Bah ça, tu peux prendre ta propre assurance. Moi, je connais une assurance qui s'appelle Tapes en 5, mon frère. Elle est pas chère. Je crois que les assurances étudiantes, c'est la plus grosse escroquerie. C'est ça, clair. Et les assurances lycéens. C'est les plus grosses escroqueries qui existent. Parce qu'en plus, en général, assurances normales, elles prennent déjà en compte. Ouais, mais on te les donne, l'Assemblée nationale te dit il faut prendre ton assurance. Enfin, c'est une espèce de truc où tu es obligé de t'inscrire, obligé de le prendre. Je trouve que c'est un. Moi aussi, j'avais ça, je devais payer des trucs, ça m'a jamais toujours. Un pote, ça. Tu t'en sers jamais. Et puis quand t'as une galère, ils remboursent rien. C'est comme les assurances de téléphone, ça. C'est pas vrai, c'est ça. T'as raison. C'est une tadin, ces assurances. Du coup, bah, je me donne une semaine jusqu'à vendredi pour savoir si je continue ou pas. Ah oh bah non, tu vas pas arrêter tes études à cause d'une assurance à 200 balles. Mais d'où t'as vu ça, toi, que t'arrêtes tes études parce que tu peux pas payer l'assurance? Enfin, j'étais pas très motivé au début. Si après, à chaque fois, le vent change, il pleut dehors et l'eau ça mouille, tu te dis, oh, bah, je vais arrêter l'école, oui, effectivement. Si tout est un prétexte pour que t'arrêtes, oui, ça va être compliqué. Ouais. Mais à mon avis, tu peux trouver des arrangements pour payer, ça j'en suis sûr. Ouais. Bon, faudrait que t'aies envie de bosser peut-être un peu. Ouais. Et t'as forcément un rectorat. Renseignez-vous auprès des rectorats, ils sont là pour ça. Hein. Faites-les bosser un peu. Là. Je te fais un bisou, Anthony. Allez, bosse. Un bisou, à plus tard. Bosse, monsieur le responsable de négociation commerciale. On s'est là de montrer que c'était bon en négociation commerciale. Oui, va négocier ton assurance. À bientôt, je te fais un gros bisou. Voici Shawn Mendes. Du garage Mendes. Bienvenue sur Énergie. On est lundi, tout va bien. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any guy like you deserves a gentleman. Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that. that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? You better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you fait sa rentrée. Et il a même pas pleuré. En même temps, il a l'habitude. Hein. Ça fait 7 fois qu'il redouble. Koé, 19h-22h, sur Énergie. On est sur Énergie, dans un instant. Alors que nous avons déjà fait jouer le public tout à l'heure, qui était pas mal, au vrai ou faux, c'est le moment de la rentrée, ouais. C'est le moment de jouer avec le professeur qui va interroger tous les gens de l'équipe, papier, stylo, règles. Vous me prenez vos ardoises, oui, oui. Je crois que c'est le moment de recevoir. Allez, le mec, il est juste écrit sur ma feuille. Un professeur vient. Interrogation. Direct, on fait tourner. Pourquoi tu prends cet accent? Pas un accent. Hein. Excuse-moi, c'est quoi ce que t'as en dessous? C'est une barbe. Une barbe. C'est que la barbe, ça se porte plus haut. C'est oui, sous la lèvre. Mais si, voilà, c'est plus haut. Voilà. Mais là, il faut que ça soit au-dessus de la lèvre. Bah voilà. Interrogation. C'est moi qui l'ai dit. Il a le nœud pape sur la barbe. Ouais. C'est pour ça. Allez, au hasard. Attention, au hasard. Attention. Si jamais celui qui a la bonne réponse, tout va bien. Celui qui a la mauvaise réponse, qu'est-ce qui se passe? Je pète un plomb. Je pète un plomb. Il y a de la règle sur les doigts. Il y a. Ça joue rien. J'ai des ponges mouillées. Ah, tirage de pattes des cheveux et tirage d'oreilles. Bon, ça va, tiens, je cheveux, tu crains pas grand chose. En plus, il a pas de limite. C'est chacun son tour ou c'est tout le monde? Tu me laisses parler? La barbe descend dans ta bouche là. Chacun son tour. Remonte la bouche, merci. C'est bon. On y va, attention. Chacun son tour. Au hasard. Et au standard, ça joue aussi. Hein. Ouais. Au standard, ça. Oh, si. Monsieur Danick. Ouais. Histoire, question d'histoire. Wow. Ouais. Question c'est d'histoire. Niveau collège, hein, les questions, je crois. En quelle. Ah oui, collège, 3ème, 6ème, 5ème. En quelle année est né Jean Jaurès? Il est né? Ah bah il est mort aussi. Il est déjà né, ouais. Il est mort. La naissance. Ah oui, quand il est né, c'est des propositions. La ça doit être. Proposition, attendez, proposition. Ah, il y a des propositions. Oh, merde. En 56. 1800, hein. Ouais. En 69. Ou en 59. 59. Je crois qu'on est victime de tricherie là. Ouais, c'est une gueule. Comment tu sais ça? Bah, il a une chance. Tu veux que je dise comment j'ai fait? Parce qu'à mon avis, 69, ça sent le 69, le truc sexuel machin débile. Et 59, ça ressemble à 69. Ce qui ressemblait plus à 69. Ah ouais. Donc ça fait 59. Ok, donc t'es vraiment perturbé quand tu réponds à une question. Ouais, mais non, pas du tout. Okay, on en parle dans un instant. C'est bon, la suite de l'interrogation pour toute juste. L'équipe, restez avec nous. Vous pourrez jouer chez vous. Qu'est-ce qu'on écoute? SVT. Il a fond le prof là. Les gars, on va jouer. Je te jure, on va jouer dans un instant. Restez là juste après. Amérique. À tout de suite. Sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Allô Mélissa? Oui. De Châtillon-Lapalud dans l'Ain? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Oui. Et non.

Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Je suis en feu. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas, mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirik ou ce soir je suis John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regarde. Sois gentil avec moi. Peine, monsieur le professeur, allez-y, quelle matière? Géographie. Oh allez, là, je suis bidon en géographie. On joue pour quoi? On joue pour quoi? Madame Rouche, on joue pour une éponge dans la gueule. Face. Ah, bah tiens. Alors, géographie. Je suis nul en géographie. Géographie, lequel de ces climats se trouve au Canada? Tropical. Ah non. Arctique. Elle est pas facile, ta question. Ah ouais, elle est un peu là. Trop facile. Oh. On change. On change, on change. Histoire, lequel de ces philosophes de la... lequel de ces philosophes désirait la séparation des pouvoirs? Montesquieu, Socrate ou Racine? Tu as deux secondes. Ouais, je crois savoir. Pif Racine. Moi, Montesquieu, je pense. C'est qui? Donne-moi le visage. C'est qui ah, non, c'est balancé dans la gueule. Faut que tu enlèves tes mains, enlève tes mains. C'est Montesquieu. Enlève tes mains, Julie, c'est Montesquieu, oui. Enlève tes mains. Père. Ça, c'est beau, c'est comme ça que c'est bien. Monsieur Serret. Gaëtan. Français, quel ouvrage a rendu célèbre Madame de Sévigné? Ses livres, sa biographie ou ses lettres? La sculpture. Ses lettres? Et non. Les lettres de Sévigné, non? Non. Si, c'est ses lettres. Ça disait un truc, c'est ses lettres, bien sûr. Ses lettres, bien sûr. Monsieur Coé, tout de suite. Monsieur Coé, mathématiques. Si la droite, on joue pour... On joue pour la craie dans la gueule. Non, les, moi j'aurais fait la règle. La craie, tu vas te la reprendre dans la gueule. La règle sur les doigts, j'arrive tout de suite. Allez, vas-y, gueule, vas-y. Alors, écoute. Mathématiques, si la droite D et la médiane. Attends. Mais doucement, je comprends rien. Vas-y, si la droite D et la médiatrice du segment AA', quelle est la symétrique de A par rapport à D? Quelle est la symétrique de A par rapport à D? Monsieur Coué, 3 secondes. La symétrique de A. Programme quoi ça? Ouais, c'est collège. Mais c'est A'. Bah oui. C'est A'. Comment il sait ça lui? Bah c'est facile. Comment bah, il sait c'est ça? C'est facile, c'est une droite qui coupe une autre droite. Deuxième question, monsieur Coué. Oui. Espagnol, oui voilà. Espagnol, c'est pas grave. Par déduction, comment dit-on tortue en espagnol? Tortue? Ouais. Tortuga, tortuga, tortula. Ah c'est facile. Mais non, tortula. Shakira la tortura, non? Shakira la tortura, c'est quoi cette chanson? Hey, Shakira, chante-moi la tortura! Non, c'est Tortola parce qu'il y a une île qui s'appelle le Tortola Island. Il y en a pas. Ça sort en Angleterre, c'est en anglais, Tortel. Mais c'est pas Tortaga. C'est Tartaga. Ou Tortula. Tortula, c'est la dernière. Tartaga? La dernière. Dernière? Tortura. C'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est Tortuga, il y en a personne qui a le bon, les doigts. Oh! Monsieur monsieur Dany. Mais pourquoi? Aïe! Rocher! Eh, je lui dis non. L'autre, t'as un peu mis. T'as pris sur la serviette. Non, je vais le faire. Donne tes doigts. Arrête de tricher. On met ses doigts comme donne tout le doigts. Monde. Donne tes doigts. T'as dit Torsora, là. Non, je lui dis pas. Non, elle a dit. J'y vais doucement. Shakira Torsora. Géographie. Elle chante la Tortura. Stouffe. Ici, stouffe. Tu dois manger une craie. Il vient ici, s'il te plaît. On joue pour un mangeage de craie. Un mangeage de craie. Intégralement. Géographie. À combien de mètres culmine le Mont Blanc? C'est facile. À 4809 mètres. À 4850 mètres. À 4836 mètres. Le premier, 4850. 50, c'est ça? 54. Non. Redis. Le premier, c'était 4854. Change de question. Va prendre la page 2, elle l'a déjà vu. Change de question. Mais j'ai pas tu prends pour un con, quoi. Vous avez mis les réponses dans les trucs aussi, elle l'a vu. Ah oui, physique-chimie. Stouff, physique-chimie. Elle a triché. Combien de pourcentage de diazote clair est-il composé? Sans proposition. De combien de pourcentage de diazote l'air est-il composé? Sans proposition. Il attend. 70. Ah non, mais non. Diazote. Non, mais non, diazote. Dans l'air. 27. Ça fait deux traits là. 27, 15. Tu fais un tour, fais un loto. 27. Alors, la réponse 79. Oh, j'étais presque. Prends de l'eau avec, on se dira au revoir. Et croque. On va entendre croquer pour les gens qui. Je sais pas si ça se mange. Non, je crois pas. Pas sûr. Comestible. Tu vas faire des caca blancs. C'est pas mal, elle dit. C'est du calcaire, quoi. Eh, c'est beau de faire des caca blancs. Ah, tu vas chier du B13. Tu vas sortir du plat. Tu vas nous chier un mec au moulage. C'est classe. Ça va être beau. C'est bien. Ça va. C'est pâteux, non? Un peu. C'est bon, ça va. Mais arrête, t'es sérieuse. Elle assume. Mange un stabilo. Caca blanc. Oui, maintenant on attaque le stabilo et après on aura le stylo effaceur. Et après on aura une gomme. On vous fait des bisous, on va revenir demain. Secouez. Allez, la fond. Histoire, quelle est la date de la mort de Lénine? Bah, il est très fort en histoire. 1928, 1926, 1924. Wow. Je dirais 1926. 24. On ne rend pas l'émission tant qu'il n'y a pas une bonne réponse en histoire. La crise économique de 1929 venait de... Les États-Unis. Amérique, Allemagne ou Russie? Amérique. Vous avez dit États-Unis, ça va pas. Et c'était... Bon, vas-y, mets la sonnerie, on se barre là. J'ai pas compris. Le Haut-Canada. Oui. En 1780, il est associé à quelle province canadienne actuelle? Alberta, Québec, Ontario. Ontario. Dis Ontario parce qu'il fait 40 degrés sous le costume. Québec. C'était Ontario. C'est fini. Ah, ah, rentre à la maison. On va revenir. Salut, je vous embrasse. Je vais avec Guillaume à demain. Bisous. Viens demain dès 19h sur Énergie. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, sur Énergie, bonne soirée tout le monde, on est en direct, on prend l'antenne 22h tous les soirs jusqu'à minuit, pendant 2h on termine les journées ensemble, j'espère que vous avez passé une bonne journée les potos, on se retrouve, on se fera tout à l'heure. Sopra, il est prévu, je viens de le caler. Ok. Je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer, regarder d'un hublot. Si tu me croises, fais un vœu, si tu me parles, fais un vœu, si tu me touches, fais un vœu, car moi ce soir je suis un peu. Salut Zach de Caen, à quand la vidéo de la Fnac de Caen? Ah ouais putain, mais en fait c'est qu'on a eu un bug d'export, mais on va la monter avec plaisir, poteau là. Les SMS ils arrivent en direct, hein, vous pouvez les balancer au 6, 11, 12. Faut juste commencer Guillaume au début, les meilleurs sont de retour. Salut Alan du choix. Eh bah ça y est, on se retrouve les mecs là. On se calera le nouveau Bieber avec Snake aussi. On va retrouver Hugo qui a passé un coup de fil en direct du Nord de Béthune dans le 6-2. Salut Hugo. Vous allez bien? Ça va ou quoi Hugo? Tranquille, 19 ans. Ça va, Hugo. Eh ben ça va, ça tranquille. Ça fait plaisir de vous retrouver. Eh, ça fait plaisir de nous retrouver. Bah moi aussi mec, tranquille. Je viens de retrouver l'équipe aussi. Là il y a Julien le stagiaire. Ouais, je suis là, salut Guillaume, salut tout le monde. Qui est là, t'as passé une bonne journée aussi? Ouais, ça a été, j'ai fait un déménagement ce week-end. Ah d'accord, voilà. T'as déménagé qui? Un pote, j'ai cassé une assiette, il m'en a un peu voulu mais... D'accord, voilà, merci le stagiaire. C'est tellement inintéressant. Petit week-end. C'est le mec qui te fait monter la sauce et rien. Un déménagement, c'est pas très glamour, c'est pas. Non, c'est vrai. Bah, voilà, j'ai des trucs où ça servait à rien. Ah, j'ai fait la machine à laver, on était à 4. Ah ouais. J'ai un aidé. C'était le mec qui tenait la prise derrière, ouais, sans roule. J'ouvrais la route en fait. Ça va, JM du standard. Ouais, salut Guillaume, ça va au top. Enfin, moi tranquille. Ouais, parfait le week-end. Je suis pas pu aller jouer au foot, je me suis fait une côte, mais ça. Tu t'es fait une côte? Je me suis fait une côte. Tu fais mal. D'accord. C'est la première fois que tu te fais une croix. Comment tu sais qu'elle est fêlée? Bah, je sais pas parce que j'ai mal dès que j'ai. Merci! Bonsoir Julia. Salut Guillaume, salut tout le monde. La seule personne normale dans cette équipe. Merci pour nous. Salut Faux des cadeaux. Salut Guillaume, salut tout le monde. Salut, salut. Salut. On a quoi, des PS4 on va faire? Ouais, on a des PS4 et des iPad Air aussi. Et des Xbox One. Ouais, voilà. Et des bracelets Fitbit. Et des bracelets Fitbit. Ouais. Voilà. Et Louis Tous. En fait, t'as dit Louis Tous. Vous voyez qu'on a une équipe hein, quand même sélectionnée, même, ils avaient que ça à foutre de la journée. J'arrive à 22h et ils ont réussi à se tromper sur tous les cadeaux. Flo des cadeaux, c'est toi qui les as commandés ou c'est ta soeur? Non, mais j'ai la liste de la semaine dernière. Et le mec, en fait, c'est les emplois fictifs de Jacques Chirac, c'est Flo des cadeaux. T'sais. Le mec, en fait, il fait rien du tout l'après-midi. Ah putain, bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée quand même. Hein. Guillaume et votre message là au 612. Il est où le bonheur? Il est où? On se fait ce que vous voulez, on va parler de tout ce que vous voulez. Hein. Vous venez avec nous à l'antenne chaque soir. Si vous voulez, je vous rappelle, vous me laissez votre numéro et je vous appelle après. Salut Guillaume, énorme ta chronique. C'est gentil les gars, merci beaucoup. On est d'accord que t'es pas en direct parce que. Moi, j'étais en direct dans les deux. Voilà. En direct, il est 22h04, il y a eu du foot, GSGR. Il y a l'Espagne qui joue, qui mène 3-0 contre Liechtenstein. Ah, voilà. Sauf que ça intéresse. Donc, on était en direct et l'autre aussi. Hein, voilà. Il y a tout qui est TPMP aussi. Hein. C'est bien, trop bien ton passage. Merci, vivant demain. Salut Enzo du 6-4, c'est sympa. Salut. C'était long le week-end sans vous, trop contente que vous soyez là. Enfin, trop fier de toi. Merci beaucoup, Fanny du 59. Et ben, c'est gentil, t'étais génial dans TPMP, ta chemise, t'allais trop bien. je t'aime très fort. Merci Emma de la team Yoplait, c'est gentil. Hein. Trop cool de vous retrouver. Salut Mathis du 37 là. Salut. Le gagnant de l'énigme, je t'embrasse frérot. Bravo. On vous file des cadeaux du coup ce soir. Hein. Flo des cadeaux, ouais. C'est pas trop ce qu'on a offert, mais moi je sais. Parce que j'avais commandé pour cette semaine. Hein, parce que pour tout vous dire, c'est un petit peu moi qui chapeaute le truc quand même. Hein, qui est commandé. Et puis Flo des cadeaux, il va sortir de la Fnac. Non, j'avais demandé qu'on ait des Xbox One là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas offert. Xbox One et des PS4 en plus. Voilà, on est un peu console ce soir. Voilà, il y aura des. T'as dit quoi? Il y a des iPads ou tu t'es trompé? Non, je me suis trompé. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Salut Karine du 35, j'ai adoré, vraiment bravo. Salut l'équipe, encore une soirée de fou. Bisous à Maël, ce portugais qu'on aime. Salut à toi, Maël, les portugais qu'on aime. C'est trop cool avec toi, salut Seb, merci beaucoup. Sympa le passage en espérant que ça t'aide à aller plus loin. Merci Romain, 23 ans de pendant, je t'embrasse. Salut Romain. Zach Docan au Calais avec les bestes. Ah, voilà, et ça y est, on est reparti parce que là c'est les vrais horaires, je vais dire maintenant toute l'année. On est 22h minuit, c'est reparti pour les cours pour la plupart d'entre vous. C'est tous les soirs à 22h, on se retrouve ici. Hein. Salut, j'ai attendu 22h toute la journée, je suis contente que ça commence. Et ben, c'est gentil, je t'embrasse. Hein. Salut à Perrine de Marguerite de Valois, Angoulême, dédicace à Antoine. Bisous. Pas de problème aussi, salut, trop bien. Trop cool de vous retrouver. Mathis du 37, gagnant de l'énigme. C'est payant. Salut Guillaume, les iPhones. Alors, quand il y a des iPhones sur Facebook, c'est pas des vrais. Non. Ben ouais. Faut savoir qu'il y a des arnaques hein, qui prennent mon nom sur Facebook et qui font croire qu'ils offrent des iPhones où il faut appeler des numéros et tout. Tout ce qui n'est pas à la radio ou sur ma page avec la petite étoile bleue, c'est que c'est faux, hein, les gars. Ça fait 2 ans que je vous écoute, vous le faites toujours autant rire. Changez pas, je vous adore. C'est quand le jeu pour les cadeaux? C'est juste après, on se fait l'énigme pour vous filer les cadeaux. Comme tous les lundis, on se fera le jeu des faits divers de Flo des cadeaux. Ouais. On se mettra dans, alors le lundi, on se met dans une ambiance un petit peu glauque. On aime bien, on aime bien se mettre une petite ambiance un petit peu. Tiens, Julia qui est avec nous depuis quelques jours. Ouais. T'as déjà vécu un truc paranormal ou pas? Alors oui, tout à fait. J'ai appelé. Mais ne dis pas oui si c'est pas vrai. Hein, alors c'est vraiment vrai. Fais pas genre. Je vous l'assure. Ouais, c'est vraiment vrai. Je vous l'assure. Ouais. Elle a pris 50 ans. J'ai l'impression d'avoir embauché Edouard Balladur. Non, sérieux. J'ai bien oublié. Je parle français. C'est un autre, ça. Julien, donc. Je vous l'assure, n'est-ce pas? Je l'ai mieux avant, n'est-ce pas? Non, vas-y, explique-nous. Ouais, non, en fait, j'ai appelé les esprits quand j'étais plus jeune. Et ça a vraiment marché. Tu les as eu? Ouais. Et t'as quoi? J'ai appelé les esprits quand j'étais plus jeune avec mes cousins et tout. Quand on avait genre 10-12 ans, voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, bah, on a appelé les esprits et on a mis 2 pièces sur une table. D'accord. Invoqué. Je me rappelle plus, je crois que c'était un ancien oncle ou un truc comme ça. Super. Et les tonton. Les tonton d'ailleurs. Et les pièces ont bougé. Voilà. Il y avait un coup de vent. Oui, c'est pour ça. Non, et là, attends, et tonton Jackie, il a fait bouger les pièces. Il a pris les pièces et il s'est barré. Hein. T'as eu une pièce de quoi? Tu l'as appelé comment, genre? Je crois qu'on avait fait une espèce de formule, genre. De formule magique. Je me rappelle. Astérix juste avant, avec la potion. C'était super bluffant et les pièces. Vraiment bougé. Je vous l'assure, peut-être que je me je vais avoir, mais j'y crois. Ouais. Ouais. Et il y a quoi qui a bougé alors, que tu as vu toi de tes yeux? Bah, les deux pièces. Tu les as vues? Ouais, je les ai vues. Ouais. Vraiment? Ah, je te jure. Et elles ont fait quoi les pièces? Elles se sont rapprochées. Ouais, c'est ça. Il y avait un aimant, il y avait un truc. Je vous jure. Mais ça, tu l'as vu, je te crois. Ou alors t'avais bu. Quand tu vois les tours de magie, t'as vraiment l'impression que ça se passe des trucs. Après, c'est l'illusion. On y croit pas. On a fait une blague, mais. Ouais. Non, c'est sûrement vrai. C'est sûrement ton cousin Jacques qui a dit prendre des pièces pour un café. D'ailleurs, j'ai pas de pièces. JM, t'as bien une pièce à dépanner. Avec plaisir. Pour aller chercher un café, c'est sympa. Alors, Hugo, qu'elle a de Béthune. Toi, tu travailles dans quoi, Hugo, d'ailleurs, 19 ans, là? Moi, je suis au lycée. T'es au lycée. Tu veux bien te remettre dans la même position? Ça, tu t'es mis à quatre pattes ou je sais pas quoi, mais. Il faut autre chose, là, tu sais. Remets-toi plus près du téléphone, frère. Je t'entends plus du tout, là. Ça va mieux là? Non, mais t'as mis le haut-parleur ou t'as mis un truc? Non, je suis pareil que tout à l'heure. Ouais, alors, derrière un robot non, là. Alors, ce que tu vas faire, mon pote, tu vas te faire enlever la main de ton téléphone et tu vas le tenir par en haut et tu vas voir comme par magie le son va venir. Vas-y. Ça va mieux? Oh là là. Ah. J'ai un son en 4K, mais je te jure, là. J'ai un son en 360, là. Ouais, je t'entends mieux. Alors, tu venais raconter parce que t'avais pas vu quelqu'un de ta famille pendant longtemps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vas-y, raconte alors, vas-y. Donc en fait le truc c'est que maman en fait j'ai perdu contact avec mes grands-parents. Ouais. Parce qu'en fait c'est les grands-parents du côté de mon père en fait. D'accord. Mais sauf que quand on allait chez eux, bah en fait on avait le droit à rien quoi. Enfin moi, même ma mère, en fait on avait le droit à rien en fait. Ils nous aimaient pas trop en fait, ils nous appréciaient pas trop, ils nous acceptaient pas. Ouais. Et du coup bah en fait ma mère elle a un peu pété un plomb tout ça par rapport à ça. Et ce qui fait que bah mon père en fait il a coupé les ponts avec sa famille, donc mes grands-parents. Et donc du coup bah ça fait 5 ans en fait que j'ai plus de contact avec eux. Ah ouais merde. Et toi t'as envie de les revoir et tout, tes grands-parents? Bah ouais, ça me fait un peu chier quand même quoi, mais bon. Ouais. Bah disons qu'il faut les voir pendant qu'ils sont là. Bah profite-en quand même. Ça c'est genre de dose. Après quand tu les as plus, tout le monde te dit putain t'aurais dû en profiter. Ah tu regrettes après. Et c'est vrai, hein. Et quand tu les as plus, après c'est vrai que tu dis tiens finalement j'irais bien la rencontrer quand même. Ah c'est rare quand même les grands-parents, t'en as 4. C'est rare les grands-parents. T'en as 4, je sais jamais. Il a raison, je sais, c'est rare les grands-parents. Faut en profiter. Donc on en a que 4 au mieux. Voilà. Ouais, donc, franchement. C'est pour bien. J'aime ça. T'as encore tes grands-parents ou... J'ai une grand-mère qui va pas très bien. Ah ouais, donc t'en profites un petit peu. Tu l'as vu un peu cet été? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Ouais. Ouais. T'es allé à l'hôpital? Non, elle est à la maison encore. D'accord. Toujours, et donc t'es un petit peu. Passer du temps avec elle et tout. Et comprend encore ce que tu dis? Ouais, ça va. C'est parfait, des mamies qui comprennent plus trop. Bah à un moment, elle mangeait plus beaucoup et tout. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et t'as été passé du bon moment? Ouais, il faut. Tu lui écris des lettres et tout? Non, pas jusque-là. Ah, attends, c'est bien d'écrire des lettres. Oui. Ah ouais, c'est la génération, nous c'est génération tweet. Ah bah eux c'est génération snap. Ah ouais. Mais si t'envoies un snap à ta grand-mère, t'as des grands-parents, j'ai stagiaire. Il m'en reste une grand-mère, voilà. Grand-mère, et je l'appelle et des SMS des fois quand elle peut l'envoyer. Elle a 95 ans donc. Elle arrive à envoyer des SMS. Bah, on l'aide, je pense, parce que 95 ans, je sais pas le faire, mais c'est rigolo quand même. Flo, des cadeaux, des grands-parents? Il me reste un grand-père, ouais. Qui a un portable qui date de 99. Non, c'est vrai? Il a encore son vieux téléphone. Et il le garde. Forcément, il a habitué. Et à chaque fois, c'est une prise de tête parce qu'il veut pas le changer. Donc quand on doit changer le chargeur, c'est une prise de tête parce que les téléphones de 99, pour trouver des chargeurs qui marchent. Mais c'est quoi le portable de 99? Je crois que c'est un Alcatel. Oh, c'est énorme. Un clapet. Mais il est encore, il marche encore. Il fonctionne. Il a encore toute sa tête, le grand-père, je parle. Ça va. Ouais. Pas le téléphone. Non. Il a encore sa mémoire, je parlais pas du téléphone. Non, parce que parfois, papy et mamie. Bah ouais. Avec l'âge. 4-0, gros naze de Julien Stagiaire. Non, gros naze, il va dire 5-0. SMS qui vient d'arriver. 5-0. Je sens que je vais briller. Il est pas fini le match. Je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Julien m'a appelé pour raconter mon histoire sur le paranormal. Premier jour de la rentrée vraiment officielle, parce que il y a eu les premières rentrées jeudi, vendredi, mais on va dire que ça commence vraiment aujourd'hui à travailler. Voilà. Donc s'il y en a qui veulent passer, vous me dites. S'il y en a qui veulent parler de paranormal, vous me dites aussi. On peut parler de paranormal avec plaisir. Salut Guillaume, j'ai vu que mon collier est arrivé, je vous ai envoyé une tasse énergie Walking Dead. Ah, je l'ai pas vu. Merci. Après, faut savoir que Guillaume Sandard s'est promis sur le courrier. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il a beaucoup de beaux objets quelques mois. Moi, je récupère. D'ailleurs, il a plein de trucs Walking Dead. Il n'aime pas Walking Dead. Je connais pas. Bientôt, je vais regarder. Zach Decan, ma veste. Pardon, j'ai ça. Bientôt, je regarde Guillaume. Eh ben, on s'en va. Ah, je rigole, je rigole. poil, c'est super. Ouais, j'ai regardé. Non, mais moi, je suis content pour Jim. Je suis un peu sa vie de loin. Je suis sur Game of Thrones, là, déjà, Guillaume. T'es sur Game of Thrones. Super, ça, c'est. J'ai fait 2-3 séries cet été. Ah, t'as vraiment l'impression de déranger la radio. T'as regardé quoi comme série? J'ai regardé Stranger Things, tu as vu? Ouais, j'ai vu, c'est pas mal. Très bien. C'est sur Netflix. C'est une nouvelle série incroyable de Netflix. T'as regardé quoi d'autre? J'ai vu 22-11-1963 aussi. 22-11-1963. C'est la date d'assassinat en fait de Kennedy. D'accord, c'est la première fois qu'il apprend un truc. Et l'autre, Wayward Pines. Ah ouais, d'accord. Bilingue en plus. Wayward Pines. Wayward Pines. Wayward Pines. C'est compliqué à dire. C'est le nom d'une ville en fait. Ah, Wayward Pines. C'est une série que t'as trouvé où? C'est dehors, moi qui m'a sorti tous ces blazes. D'accord. Il est fort. On est content. Dédicace à. Salut, bonsoir à toi, merci beaucoup. Salut, Zach Docan, ma veste est en fémur de. Qu'est-ce que tu dis, toi? En grain de café colombien, qu'est-ce que tu dis là? C'est bien. Bonsoir, Guillaume et l'équipe, trop content de vous retrouver. T'as pas la même voix à la télé qu'à la radio, mort demain. Ah ouais, bah c'est possible. Ah, c'est vrai, c'est important. Parce que si j'arrive et que je parle comme ça à la radio, il va me regarder et me dire, t'es sérieux? Non, c'est la même personne. Salut les gars, pourquoi vous faites plus l'émission le dimanche? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est après, c'est faut demander ça, mais pas trop. Mais nous, on fait du lundi au vendredi. Ça fait des mois et des années que je voulais faire le vendredi parce que vous êtes nombreux à nous dire le vendredi. Ils nous ont donné vendredi. Par contre, après, on a plus le droit de faire le dimanche. Bon, enfin, le but du jeu, c'est de se mettre on est toujours là, sur une grille super. Et le principal, c'est d'être avec vous chaque soir de la semaine. Ah c'est oui. Parce que c'est un petit peu compliqué, tu vois, faire le dimanche 20h, faire la semaine 22h. Moi, quand je croisais quelqu'un dans la rue, il me fait, frérot, 21h, hein, Guillaume. Et en fait, je dis, non, on fait jamais 21h. Et c'était vraiment un problème de compréhension des horaires. C'est pour ça que c'est mieux du lundi au vendredi de 22h à minuit, les deux dernières heures de la journée, toi. Et comme ça, au moins, on comprend où on est. Ah oui, c'est simple. Et en plus, quand on faisait le dimanche, ça fait pendant 4 heures. Moi, je suis un peu comme un sportif, en fait, hein, mais en moins sportif. C'est-à-dire que les cordes vocales, c'est un muscle et que moi, j'ai la voix qui casse de plus en plus. Là, parce que quand on fait un match de 4 heures, en fait, c'est comme un match. C'est-à-dire que pendant 4 heures, je tire sur mes cordes vocales. Et il faut mieux parfois se reposer pendant un an, faire un petit peu moins long, prendre des petits cachets, reprendre un petit peu sa voix que dans 3 ans. Un peu comme un mec qui se froisse un muscle en sport. Et pendant 6 mois, il fait plus de match, il fait les entraînements quand même, il s'échauffe petit à petit pour pas. Voilà, exactement. Série, je te conseille Quantico, c'est une tuerie. Voilà. Ah ouais, Quantico. Salut Guillaume, dédicace à mes grands-frères Maxime et Corentin, ma belle-sœur Marina, Emma, la fille qui te tweet H24. Gros bisous, ma chérie. Hein. Salut. Thomas, putain, j'ai une classe de merde, juste vous. Ah merde. Pour me donner le sourire. Putain, j'espère que ça s'est bien passé d'ailleurs.